Bonsoir à tous et bienvenue dans cette rubrique, dans cette nouvelle émission des Chroniques écrites de la seconde vague. Alors pas de départ fictif parce que du coup il nous emmerde l'autre con avec ses points cyclisme. Et donc là on passe aux choses sérieuses tout de suite. On arrête de déconner, on est là pour passer un bon moment, pour être avec vous sur le chat et partager, et puis surtout pour rigoler, passer un petit moment d'échange sur des geekeries plus ou moins bien. Et pour ça, je suis accompagné de qui ? Je suis accompagné du fondateur de la rubrique Geek avec mon deuxième compère, de mon copain de Downfix. Je suis accompagné de G. G, comment ça va ? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? Eh ben, ça va plutôt bien. Et je me suis levé avec de bonnes tartines de pain grillé avec un tout petit peu de beurre dessus et un café au lait. Je te remercie. Bonsoir tout le monde. Ça me va bien. Et du coup, je suis accompagné d'un autre copain, mais encore d'un copain dont je ne vais pas dire pourquoi c'est un copain, parce qu'il va, venir dessus tout à l'heure, et donc pour ceux qui me connaissent, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est mon copain. Et donc du coup, bonjour Spider-Matt, comment ça va ? Et toi, qu'est-ce que tu as mangé ce midi ? Bonjour, alors j'ai mangé, je vous ai bu. Voilà. Ok, donc ça s'appelle l'EHPAD. Donc... ça s'appelle Alzheimer. C'est un peu la loose. Ah ouais, ça, c'est ça de vous faire bouffer à 16h les vieux, enfin bref. Et voilà, et donc, fruit du hasard, pour la première émission de cette deuxième vague, on avait un invité. Pour la deuxième émission, on en avait trois. Et là, on a un duo. Donc c'est vraiment le fruit du hasard, un duo aussi somptueux que Spirou et Fantasio, aussi fantaisiste que Véronique et Davina, aussi novateur que Laurel et Hardy. Mais surtout aussi iconique que Bataille et Fontaine. Donc, j'ai envie de dire, qui se cache derrière le rideau ? Et ben, on va être galant et on va te dire bonsoir, Fanny de Les Nerds à Vif. Salut, meilleure intro. Je pense que je vais la garder, je vais la mettre sur mon CV, sur ma bio Twitter, partout. J'aime beaucoup. On vous laissera débattre entre vous sur qui est Véronique et qui est Davina. Ah, intéressant. Et du coup, bonjour à ton compagnon, qui est Donatien. Bonsoir, ça va, Donatien ? Ça va très bien. Alors moi, je suis plutôt Davina, je pense. Ça te va voilà. Bien, ouais, je suis ouais, d'accord. Ouais, t'as vu ça. Ouais. Voilà. Non, je trouve ça important quand même de le dire. Voilà. Mais les gens qui ne savaient pas comment éliminer le poids pris des fêtes, c'est quelle émission regarder en replay sur YouTube. Alors, avant de vous laisser quand même présenter un peu les Nerds à Vif, ou même du coup ce que vous avez fait, parce que Fanny, tu as par exemple notamment participé au GG Comics. On remercie évidemment Jules qui a fait cette miniature qui est épique. Que vous avez pu voir sur la réseau ce soir. Comme vous le savez, Jules, malheureusement, n'est pas dans le chat ce soir. Donc, c'est avec tristesse qu'on lui dit que ces miniatures font partie intégrante de l'émission sans qu'il puisse un peu s'énerver. C'est un peu frustrant, mais bon, on prend quand même plaisir. Et donc, du coup, je vous laisse nous dire un peu, vous présenter un peu, que ce soit votre travail ou même que ce soit sur YouTube ou sur les autres... sur les autres plateformes ou podcasts, comme pour toi, Fanny. Je te laisse la parole, Fanny ou Donatien ? Qui veut la prendre ? Battez-vous. Allez, pour une fois, c'est moi qui vais faire. Oui, en général, je refile tout à Fanny, mais bon, je vais m'en occuper. Alors nous, donc, on est sur YouTube tous les deux. Ça fait quelques temps maintenant qu'on a monté une chaîne qui s'appelle Les Nerds à Vif. Et on parle de trucs de nerd et donc de trucs de geek hein, par extension, vu que c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Fanny ? Est-ce que tu veux compléter à part dire qu'on parle de trucs de geek ? Bon, écoute, peut-être parler de différents genres de vidéos qu'on fait. On a une série principale qui s'appelle le Nerd Dictionnaire où on prend un mot et on l'explique, c'est le prétexte pour aller plus loin, donc on a fait des vidéos sur le steampunk, des vidéos sur le cosplay. Sur les dragons aussi, on l'aime beaucoup celle-là. Oui, c'est une préférée. Et oui. Et puis, on a plein de formats différents. On en a lancé une dernièrement que j'aime beaucoup qui s'appelle avec le titre le plus long du monde. Ça a l'air nul, mais en fait, c'est bien. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. On a commencé par Buffy. Je pense qu'on va bientôt faire des petites merveilles, genre Doctor Who, Avatar. Enfin voilà, des petites choses comme ça où on va parler de nos passions. Bref, globalement, on parle des trucs qui nous passionnent. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut le résumer comme ça. Du très très bien. Passionne. et vous en parlez surtout bien, ce qui est le principal. Ah, merci. Merci. Quand vous dites, vous parlez pas forcément que vous parlez pas forcément que des œuvres, vous parlez aussi de genre ou quoi que ce soit. Donc c'est pas parle d'un dictionnaire, donc c'est aussi ça qui donne une autre facette, et ça paraît anodin, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tant que ça en termes de format, que ce soit sur YouTube, justement cette forme du nord dictionnaire qui est finalement un peu nouveau dans cette sphère-là, ce qui est aussi pas mal de proposer ça. Je vous propose qu'on attaque. Merci beaucoup. Et j'ai pas parlé du fait que je faisais partie du crew des GG Comics. Je suis fière. Ça fait, je ne sais pas, au moins 3 ans, je crois, maintenant qu'on fait des podcasts tous ensemble, tous les mois. Et voilà, plutôt des débats sur les comics. On a parfois des invités. On a eu pas mal de choses au fur et à mesure des années. Donc aussi, si vous êtes fan de comics, faut venir nous écouter aussi, évidemment. Hein, n'oubliez pas la rubrique Geek, ça va sans dire. Mais si vous voulez écouter un petit peu de gens qui se bastonnent sur des sujets, n'hésitez pas, les GG Comics, on est très sympa, sauf entre nous. D'ailleurs, si les gens veulent entendre le papa des GG Comics, parce qu'on a eu quand même l'honneur de recevoir Blacky, ça fait maintenant 2 mois qu'il était passé dans l'émission. On était revenus, enfin, ils étaient revenus notamment sur Doomsday Clock, etc. Donc, Blacky, qui était passé également faire un petit coucou ici, quoi. Donc, on a eu Sonia aussi. On a eu Sonia et Dragnir. Donc, en fait, on a presque le bingo. On a presque fait le bingo. Donc, c'est pas mal. Et du coup, je parle, je vous emmerde. Mais est-ce qu'il serait pas plutôt temps de donner la parole à Spider-Matt pour sa première geekerie? Mais étant donné que sa première geekerie, c'est Batman Death Metal, je propose qu'on passe à la deuxième. Donc la deuxième, c'est... Je te laisse la parole, Spider-Matt. Merci. Batman Death Metal tome 1. Donc la suite de la Justice League de Snyder. Hein. Donc de Doom War et de Doom War épilogue paru chez Urban. À la fin de la Justice League, les héros disparaissent plus ou moins via un portail. On ne sait pas trop où ils vont. C'est plus ou moins la suite et la fin de cette grande histoire que Snyder construit déjà depuis des années. Je l'ai attaqué. Et on est un peu perdu dès le départ, parce qu'on va vite se rendre compte qu'il y a eu une sorte d'ellipse temporelle. On ne sait pas combien de temps s'est passé depuis que les héros ont disparu, on ne sait pas vraiment où ils ont été. C'est un peu nébuleux, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. On a aussi ce concept donc de death metal qui passe pas bien, en fait, hein, parce que je veux bien qu'il y ait le concept des différents métaux disséminés à travers tout l'univers, qu'ils aient un lien entre eux. Mais quand là, à un moment, Luthor, il veut faire sérieux, il fait la référence au death metal. Non, ça, c'est compliqué. On a beaucoup de nouveaux Batman d'univers parallèles. Alors, il y en a qui sont cool, comme le roi Robin. Après, le T-Rex Batman, est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. Parce qu'il a des petits bras. Oui. Et en plus, petits bras, pas de chocolat. Et non, mais en plus, oui, il y a une vanne dessus. Ah, tu vois, putain. Tiens, c'est tellement prévisible. Je sais pas comment je dois le prendre. T'aurais pu être scénariste. J'aurais pu être Snyder. Waouh. Et donc, ce volume compile donc les épisodes 1 à 3 de Death Metal. Donc, scénarisé par Snyder et dessiné par Capullo. Niveau dessin. C'est top, même si les décors sont un peu vides. On a Legends of the Dark Knight 1 qui creuse un peu en fait les histoires de ces nouveaux Batman qu'on voit. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont oubliables, le T-Rex. On a Death Metal Guidebook 1 aussi. Là aussi, ça creuse certains aspects en fait abordés dans Death Metal 1 à 3. Pour apporter quelques précisions et qui rendent le tout un peu plus compréhensible, parce que pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. En plus, il est arrivé quelque chose à un personnage important de l'univers d'ici. Il lui arrivait quand même quelque chose d'assez majeur. Sauf que Urban n'a pas publié cette mini-série dans laquelle ça se passe en 6 épisodes, qui est Flash Forward. Ah, voilà. Dommage. Ouais, c'est bête. Parce que du coup, il y a juste un petit encart comme ça. C'est arrivé. Voilà. En gros, on nous explique vite fait ce qui est arrivé, mais on ne sait pas pourquoi, comment, ce que ça a eu comme impact. Donc, Urban, ça a été posé la question sur Facebook. Ils ont dit on a remonté ça au service éditorial, mais on ne sait pas si ça sortira en France, en fait. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est le premier tome sur 4 qu'il y aura. Comme je le disais, c'est la fin de ce long run de Snyder. Normalement, cette saga devrait redéfinir l'avenir de l'univers DC, logiquement. Après, si vous avez lu comme moi et suivi tout depuis le début de Batman Metal à la Justice League de Snyder, Doomwar et Epilogue, moi je vais dessus parce que voilà, j'ai déjà tellement lu, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Mais si vous lisez que Batman, déjà vous n'allez pas comprendre grand-chose et c'est pas très utile, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas hyper bon, hein. On va dire ce qu'il y a. Après, j'espère que c'est juste à cause d'une mise en place un peu lente, j'espère. Donc, à voir ce que ça va donner dans les prochains numéros. Alors, il y a Cédric Comics qui demande dans le chat un peu qu'est-ce qu'il faut avoir lu avant d'attaquer ce Batman Death Metal. Comme je le disais, un peu tout, en fait. Ça commence avec Metal. Ensuite, il y a tout ce qui est les deux tomes de Batman Kiri dans l'univers Batman. Il y a tout le run de Snyder sur la Justice League. Donc, en français, c'est le tome No Justice, les quatre tomes de New Justice, Justice League Doomwar, ensuite Épilogue. Donc, il y a vraiment besoin de tout, quand même, pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est vraiment la suite directe. Et son run est assez déjà compliqué et vraiment touffu comme ça pour... Touffu. Ah ouais, touffu, c'est touffu. C'est peut-être le mot qui caractérise mieux le truc. Ouais, c'est quoi, c'est très drôle, c'est touffu. C'est touffu. C'est comme un chien. C'est de l'huile. Okay. Non, c'est... Ouais. Et voilà, ouais, il faut vraiment avoir lu tout ça. C'est vraiment la fin, en fait. Alors sachez donc que maintenant qu'après l'émission, sur la boutique de l'émission, vous retrouverez un bandeau rouge que vous pourrez mettre sur vos comics où il y aura écrit « C'est touffu, Spider-Man ». Si vous voulez les refiler les Batman Death Metal à vos potes, mettez ce petit bandeau « C'est touffu ». Franchement, c'est touffu, vendeur. C'est on devrait faire des marque-pages comme ça. La rubrique geek, c'est touffu. Ne chauffe pas. Je sais pas si certains d'entre vous du coup ont lu Batman Death Metal ou même un peu des titres de l'univers un peu Batman Metal et qui, si vous voulez un peu revenir dessus, je sais pas pour vous Fanny et Donatien. Alors moi pas du tout. Moi non plus, j'avoue que j'ai très longtemps suivi quasiment tout ce qui sortait sur Batman chez Urban et il y a eu Rebirth. Voilà, j'ai arrêté. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, hein, ce que ça donne, je peux absolument pas juger, mais Scott Snyder et Greg Capullo, pour moi, ça a fait son temps, et je me suis un peu lassée de cette team qui au début m'enthousiasmait vraiment, mais du coup, j'ai pas du tout, très sincèrement, pas du tout envie de lire Death Metal, sur le papier, ça me branche pas des masses, peut-être que j'ai tort, hein, mais ça me branche pas, j'avoue. Toi, je sais que tu avais attaqué Batman Metal. Oh, bah je l'ai lu, Batman Metal. Je l'ai lu. C'est Justice League qui l'avait attaqué. Bah, oui, mais. Oui. Toi, tu prends le bâton pour te faire battre, mais. Sur mes conseils. Non, mais ce qui est un peu compliqué avec l'univers Metal, c'est que quand Batman Metal est sorti aux US, c'était un succès de vente en termes de single. C'était le single le plus vendu. Et le TPB de Batman Metal était le TPB le plus vendu. Donc en plus, certes, les gens crachent dessus, mais Snyder, ça a tellement marché que du coup, forcément, Snyder, après, il renquille les projets encore et encore. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Et puis, ouais, Batman Metal, ça reste quand même dans l'univers qui qui marche vachement, qui a pas mal marché aux États-Unis. En France, bon, en France, on sait jamais de façon trop comment ça se vend. Mais ça est pas... vivant, hein, donc... Ouais, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à me rendre compte. Si... J'ai l'impression qu'en fait, ça plaît pas en France. J'ai l'impression que tous les gens, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, Facebook ou quoi, ils sont tous en train de dire oh, bon, ah, Batman Metal, putain, c'est de la merde. Mais en même temps, tu vois tout le monde, les gens qui sont en train d'acheter. Donc en fait, il y a quand même un public, et il y a quand même un public qui doit bien aimer pour vraiment continuer finalement. Donc il y a quand même. Enfin, c'est ce que je présume. Après, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui achètent purement par habitude parce qu'ils ils se fichent du Batman, donc ils achètent les Batman, quoi. C'est ça. Bon, ça veut pas dire qu'ils aiment. Surtout là, c'est vraiment c'est du Batman, mais c'est plus de la Justice League en fait. Donc c'est on peut même pas dire c'est Urban qui capitalise vraiment sur le nom Batman parce que c'est le titre VO, c'est Batman Death Metal. Donc, ouais. C'est pas de la malhonnêteté. Donc. Et il y aura 4 tomes. Ouais. Ouais, 4 tomes. Ce qu'il y aura après, moi, qui m'intéresse, savoir comment ils vont réussir à se relancer. Ah, très curieux de savoir ça. Ouais, très curieux. Et que Snyder se barre, quoi. Bah oui, j'ai dit qu'il se cassait, de toute façon. Oui, après. Bon, après, de toute façon, c'est bon. C'est comme... Bon, ils ont viré tout le monde, de toute façon. Ouais. Mais c'est comme pour tous les derniers titres de Snyder, à chaque fois c'est son dernier titre de DC. Hein. Donc là, normalement, c'est son dernier titre de DC. Bah, des derniers Batman, il en a fait combien ? 8 ? Ah ouais, ça fait un moment qu'il dit qu'il va se barrer. Hein. Il est toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non mais. Par rapport qu'il revient par la fenêtre. C'est un truc de Snyder, ça, je pense. Ouais, du coup, on est tous d'accord pour passer à la deuxième geekerie. On souhaite tous bon courage du coup à Spider-Man pour encore 3 tomes. Merci. Je vous tiendrai au courant. Et on va passer du coup, on va passer à toi Fanny pour une geekerie qui est plutôt intéressante parce que tu vas nous parler de Stardew Valley. Oui, tout à fait. Alors, Stardew Valley, donc c'est un jeu vidéo qui consiste donc à s'occuper d'une ferme virtuelle. Début de l'histoire, j'aime bien l'histoire du début. C'est un personnage qui est en train un peu de s'emmerder dans la vie capitaliste, hein, voilà. Et il y a son grand-père qui est un peu sur son lit de mort, on a l'impression, et qui lui dit bon, il arrivera un jour où tu supporteras plus ce monde pourri, en gros, c'est ça, et tu ouvriras une petite lettre. Et donc, la scène suivante, c'est le personnage dans un open space méga angoissant qui pète un plomb, hein, clairement, et qui ouvre la lettre. Et en fait, son grand-père lui a légué une ferme, et donc le principe, c'est d'aller s'occuper d'une petite ferme dans un village loin de tout, qui est un peu le vie idyllique qui nous est présentée. Et donc voilà, bah c'est typiquement la vie loin du monde réel qui, sincèrement, me fait un bien fou en ce moment, parce que le monde réel, je sais pas pour vous, mais moi, il m'enthousiasme pas tellement. Du coup, j'ai acheté ça... je crois la veille du reconfinement. Parfait. Hein, voilà, je me suis dit, ça y est, je vais me lancer. Et puis, je passe beaucoup trop de temps dessus, hein, parce que c'est très feel good. C'est très sympa. J'apprécie beaucoup d'avoir mon petit personnage qui va aller ramasser ses petits œufs, qui va aller s'occuper de ces petits animaux, puis surtout trouver des noms pour les animaux, ça c'est quand même très très sympa. J'ai donné des noms de fromage à toutes mes vaches, vrai plaisir. Et maintenant j'ai un cochon, je l'ai appelé Darmanin, évidemment, c'est la facilité. Hein. Enfin voilà, un jeu très simple, visuellement c'est un peu pixel art et tout ça, donc c'est vraiment meilleur moyen pour moi de s'échapper du monde un peu pourri qu'on a actuellement. Donc je recommande le feel good à tout le monde, prenez du feel good, vous le méritez. Voilà. Et c'est Donatien d'ailleurs qui m'a, je dirais pas que le mot est encouragé, je dirais plutôt harcelé. Non, j'ai fait campagne, c'est différent. Oui, c'est vrai, c'est plus valorisant de dire faire campagne. Oui, donc il a fait campagne, oui, pour que je m'y mette. Donc, en réalité, moi, je parle de ça, mais j'ai très peu de temps de jeu par rapport à lui, donc ce serait plutôt lui. Mais c'est pas grave. Tu l'as très bien résumé, je trouve. C'est un jeu qui fait extrêmement de bien, où il y a plein de choses à faire, où il y a quand même une histoire, c'est hyper intéressant. Oui. Le jeu est sorti il y a 4 ans maintenant, mais il est encore mis à jour régulièrement, gratuitement. Et oui, t'as oublié l'info cool, je trouve. Bon, c'est pas rapport au gameplay, mais c'est un jeu qui a été fait par une seule personne aussi. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est un gars qui a appris à développer, c'est son premier jeu, qu'il a fait tout seul. Il lui a fallu des années, hein, pour le faire, parce qu'il a fait toutes les musiques, tout le graphisme et tout le code. Il s'est juste fait aider pour les portages sur console, parce que lui, il avait appris à faire sur PC. Et ce gars-là, maintenant, il en vit, et ce jeu-là, il plaît tellement aux gens qu'il a été très longtemps dans le top 10 de vente sur toutes les plateformes, en fait. Jusqu'à il y a encore 2-3 mois, il était encore dans le top 10 des ventes sur Switch. Et il a vendu, je crois, 10 millions de copies du jeu, un truc comme ça. C'est ouf. Voilà. Et franchement, c'est un jeu qui mérite qu'on se penche dessus. Et moi, j'en douterais, Fanny, par rapport à ce que tu as dit, ce qui est génial, c'est qu'en plus, sur les versions, si vous jouez sur Steam, sur PC ou sur Mac, il est, pour ajouter plein de reviews au jeu, il y a énormément de mods parce que la communauté est hyper active. Donc, c'est vraiment génial. J'ai hâte de découvrir ça. Oui, si tu vas voir, ça va être génial. Ça fait penser un peu au vieux... c'était Legend of Mana, Secret of Mana. Enfin, tu vois les graphismes. Enfin, je te parle de les graphismes. Ouais. C'est... Voilà, c'est tout. C'était ma petite intervention. Merci pour ton intervention. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si c'est un peu comme Animal Crossing. Et je dirais un peu. Ouais. Et en fait, ça s'inscrit un peu dans cette lignée de jeux qui sort depuis quelques années, que ce soit Animal Crossing ou My Time at Portia ou des choses comme ça, qui sont finalement des jeux où tu te mets dessus, il n'y a pas de but, enfin, on n'est pas avec des quêtes, des choses comme ça et tout, c'est t'y vas, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ta vie, tu vas cultiver ton truc, tu vas vendre tes navets ou toutes ces conneries-là. Mais par contre, c'est vraiment dans une optique de pur moment de détente. C'est-à-dire que tu te connectes, tu te fais une session de 30 minutes, une heure ou quoi que ce soit, peu importe finalement. Parce que t'es pas contre la montre, t'as pas un truc absolument à terminer ou quoi. Parce que le seul but, c'est de se vider la tête. Ouais, et carrément. C'est des jeux qui maintenant se sortent de plus en plus et qui marchent de plus en plus. Et il y a juste à voir le boom qu'Animal Crossing a fait en étant sorti au début du confinement 1. Ah bon, moi, je l'ai acheté personnellement, alors que j'avais jamais joué à Animal Crossing avant. Ouais, mais il est sorti au début du confinement et ça a cartonné. Les gens, il y a ce côté, et je pense que, comme le disait Fanny tout à l'heure, il y a ce côté échappatoire qui fonctionne super bien quand t'es dans le contexte. Parce que t'en as parlé un peu, Donatien, mais du coup, toi, comment tu l'as un peu découvert et comment tu t'es lancé dedans ? Moi ? Sur Stardew Valley ? Ouais, Stardew Valley. Ça fait longtemps. Je l'avais récupéré par hasard en achetant des jeux sur un Humble Bundle ou un truc comme ça, enfin un pack de jeux, quoi. Je l'avais mis sur Steam, mais je l'avais jamais lancé. Et j'ai vu passer des vidéos YouTube qui disaient que c'est génial, c'était hyper profond, mais que c'était un bon échappatoire, c'était bien pour se vider la tête et tout ça. Je me suis lancé dedans et j'ai plus vraiment jamais arrêté depuis. Pour te dire, j'ai même repris sur Switch, en plus de la version Steam. Histoire de l'avoir dans ma poche aussi. Oui, c'est vrai que pour le coup, il est très cool et très détente et tout ça, mais il y a quand même des quêtes à faire et compagnie. Mais par contre, en vrai, si tu les fais pas, c'est pas dramatique. Enfin, tu peux quand même jouer et tout ça. Mais t'as une histoire quand même. Il y a une histoire et il y a aussi, et ça j'aime bien, j'avoue, il y a aussi un fond, comme je l'ai expliqué au début, le principe c'est que les grandes corporations c'est de la merde, hein, voilà. Et donc quand t'arrives dans le village, il y a le Joja Market, bon clairement un Joja c'est un Amazon-like, hein, voilà, on va pas se mentir. Et donc le principe c'est que tu peux parfaitement choisir de travailler avec eux, d'aller acheter des trucs chez eux et tout. Mais personne ne le fait. Mais personne ne le fait parce que c'est nul et sinon tu passes à côté de plein de trucs cool. Et donc le principe du jeu c'est complètement de ne pas céder à ces grandes corporations qui veulent tout simplifier, machin, tout ça. Et c'est assez sympa, je trouve, comme message, quoi. C'est assez cool, il y a un peu plus de profondeur que ce qui n'y paraît en fait. Bon, la vraie question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'on peut faire du boudin avec Darmanin à la fin ou pas, quoi, parce que... Alors non, on ne peut pas manger les animaux. Oui. Et on peut pas manger les animaux, mais Darmanin est très très pratique parce qu'il déterre les truffes. Voilà, faut le savoir. Et ça, c'est des cochons à truffes, oui. Oui, voilà. Mais non, on mange pas les animaux dans Animal Crossing, mais j'avoue, moi non, je préfère. Dans Stardew Valley. Et dans Animal Crossing non plus, on mange pas les animaux parce que les animaux sont nos voisins. Oui, mais voilà, c'est le même principe. Mais ça ne m'empêche pas. Moi, je peux très bien bouffer un voisin. Je te jure. Sur ces bonnes paroles de charcuterie, on peut le dire, histoire de conclure. Ouais, Stardew Valley, ouais, c'est bien charcuterie. Je propose qu'on revienne un peu donc, sur toi. Mais Denacia, en plus, c'est parfait. Tu gardes la main, garde la parole, ne t'arrête pas, poursuis, jongle de Stardew Valley à Subnautica et fais-nous rêver. Et fais surtout rêver G. On part sur les fruits de mer. C'est ça. Tu complètes le plateau. Allez. Alors, ouais, je vous parle de Subnautica. Donc, c'est un jeu vidéo un peu moins chill et détente que Stardew Valley pour le coup. Subnautica, c'est un jeu vidéo de survie où en gros on incarne un naufragé, parce que c'est un naufragé dont le vaisseau spatial s'est écrasé sur une planète très lointaine, une planète qui porte le charmant nom de 4546B, très charmant et très typique. C'est un vaisseau qui était pas en route pour aller coloniser une planète, le mec vient de la Terre, et il s'écrase là-dessus, il est le seul survivant et il doit trouver un moyen de rentrer chez lui et d'être sauvé. Donc c'est plutôt tranquille, sauf qu'en fait c'est une planète qui est recouverte à peu près 95% d'océan, ce qui fait que le jeu se passe sous l'eau, d'où le nom de Subnautica. Et le but c'est d'arriver à survivre, mais il y a aussi bien sûr un mode histoire, c'est un jeu de survie en monde ouvert, mais avec une forte thématique d'exploration aussi. Wow, qu'est-ce qui se passe? On est perdu Donatien. Ah, il est en train de se noyer. Bon, il est en train de se noyer. On est ou pas? Si, c'est bon, t'es là. Ouais, c'est bon, vas-y. Excuse mon casque qui déconne un petit peu. Donc t'es en train de dire Stardew Valley, tu l'as sur Switch. Je vous ai vu en dernier. J'ai dit quoi? En vrai, ça a coupé deux secondes, hein. te stresse pas. Oui, ça fait deux secondes. Alors, donc vous voyez sur le visuel que la faune a l'air très sympathique sur cette planète. Et le seul être humain qui finalement est là et qui dérange un peu tout le monde, arriver à comprendre pourquoi. Il y a une histoire, je vais pas spoiler parce que l'histoire est vraiment intéressante, mais en gros, il y a une bactérie un peu chelou qui a envahi tout le monde et qui a plus ou moins, qui a complètement éliminé les habitants autochtones de la planète, qui ont disparu. Et donc, c'est aux joueurs de trouver une solution pour soigner toute la planète et se barrer d'ici vite fait. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'on passe son temps dans l'eau. Sur le visuel, on voit un gros sous-marin derrière, mais ça, on le débloque très, très, très, très, très tard dans le jeu, hein. Au début, on est tout seul avec ses palmes et sa bouteille de plongée. Et c'est un peu triste. Et ça fait peur surtout. Parce que ce qui est marrant, c'est que oui, au début, c'est des poissons mignons, machin, mais plus on va profondément, moins il y a de lumière, et plus il y a des gros machins qui font peur. Ah, ça. Donc, c'est un... Donc on joue pour sa vie aussi. Moi, je suis pas du tout un fan des jeux d'horreur et ce genre d'habitude, mais il y a un petit côté thriller, plus que horreur, qui est très sympa quand même, et qui pousse beaucoup à la prudence. Une fois qu'on a croisé son premier Léviathan écorcheur, on a tendance à faire attention. Parce qu'ils portent bien leur nom. Donc voilà, c'est à peu près ça pour le truc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, ça rejoint un peu d'ailleurs ce que disait Fanny sur Stardew Valley, sur le côté anticapitaliste du truc. On continue sur ce délire-là, on est comme ça chez les Nordavis, enfin, excusez-nous. C'est que... non mais là pour le coup, en plus c'est la même thématique. C'est qu'en fait le vaisseau spatial qui s'est écrasé, c'est un vaisseau d'une énorme corporation qui s'en trouve sur plusieurs planètes, qui s'appelle Altera, et ouais, c'est à peu près la même chose en vrai. Et en gros, le gars, comme il n'est pas essentiel, Altera prend pas le temps d'envoyer quelqu'un pour le sauver, en fait. Tout ce qu'on lui file, c'est une liste de plans à crafter, enfin à fabriquer, pour pouvoir se barrer lui-même. Sympa. Voilà. Et on a plusieurs souvent des messages de l'intelligence artificielle de la combinaison qui précisent que tout ce que le joueur trouve appartient à Altera, de toute façon, notamment à un moment où on trouve un truc de diamant et tout ça. Donc c'est le message est un peu le même. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vous recommande, et en plus il est sur plein de plateformes. N'est-ce pas, G, il est sur PS4, hein, si tu le cherches. Non, Switch, tu m'as dit. Switch, non, PS4. Switch, PS4, Xbox One, Switch et PC. Partout, maintenant. Ah, d'accord. Ouais, parce que la dernière fois que j'avais regardé, il n'était pas sur PS4 et j'étais dégoûté. parce qu'on n'avait pas la Switch encore à cette époque-là. Et mais franchement, enfin, je me suis fait plein de vidéos YouTube. Merde, comment on appelle ça là, t'as le vieux quoi, des let's play. des level 1 sur Game 1 en 82. Même ça, je n'ai pas la Game 1. Même ça. Ah merde. C'est vieux, et ce jeu, il avait l'air mais trop bien et totalement dépaysant. Il est fascinant. C'est beau, c'est voilà quoi. Et tu t'es porté par l'histoire. Enfin, c'est... Et je crois que c'était le joueur du grenier. Hein. Je crois qu'il en avait fait beaucoup des let's play dessus. Mmh. Et c'était ouais, un gros kiff quoi. Et honnêtement, bah tu vois, c'est vrai que j'y ai pas plus regardé de nouveau. Et quand tu m'as dit, voilà, espèce de con. En fait, il est disponible depuis longtemps. Donc. C'est pas dit comme ça. Ouais, mais moi je l'ai entendu comme ça. Je l'ai entendu comme ça. Et du coup, bah, je sais pas ni quand ni comment, mais c'est sûr et certain que je vais partir au moins faire un petit tour à Subnautica. Quoi. Ah c'est oui, sûr, non, mais quoi. C'est un jeu que je recommande. Hein. En plus, là, il est sorti. Enfin, là, le jeu a 2 ans. Il est sorti de accès anticipé. Il est complètement finalisé, donc il n'y a plus aucun problème. Il marche nickel. Et d'ailleurs, il y a une suite qui est en cours de développement en ce moment, qui est en accès anticipé, qui s'appelle Subnautica Below Zero. Mec qui s'est replanté sur une autre planète. Oh non, merde. Alors ça se passe sur la même planète, mais après, et pas avec d'autres personnages, mais ça se passe dans la zone arctique. Donc en plus de ça, il y a la glace, le froid, tout ça, c'est assez sympa. Pour explorer encore plus un peu les secrets de la planète, donc c'est vraiment sympa. Et c'est un jeu qui a une durée de vie d'environ combien d'heures? Honnêtement, ça dépend comment t'aimes jouer. Quand t'as vraiment envie d'explorer, après il n'y a pas non plus, il n'y a pas de quête annexe si tu veux, t'avances dans l'histoire. Moi, je crois que mon premier run sur ce jeu... Moi, j'aime bien prendre mon temps sur ce genre de jeu pour explorer aussi, pour être sûr. Mais je pense que tu peux être tranquille entre 20 et 30 heures. Ouais, donc ça reste quand même un jeu avec une bonne durée de vie. Honnêtement, moi, j'ai fait... je suis allé sur Steam tout à l'heure, mais je l'ai fait 2 fois, ce jeu. Putain. Parce que bon, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai fait une deuxième fois. Désolé. Mais non, t'inquiète. Mais en plus, même pas des sous l'eau, en plus. Ouais, je l'ai fait 2 fois et je suis à 75 heures. Ah oui. 75 heures pour 2 runs sur le jeu, tu vois. Ah, ça donc c'est quand même une durée de vie très, très raisonnable. Ah oui, bah complètement. Ouais, mais franchement, ça... et pour le... enfin, tu vois, c'est un jeu qui a 20€, je crois, un truc comme ça, donc ça vaut largement le coup, et ça change de beaucoup de jeux dans le sens où t'as pas... Tu vois, je te parle de créatures qui te font peur et tout ça, mais par contre, t'as pas d'armes. T'as juste un couteau pour te défendre, en fait. Le principe aussi du jeu, dans le message, il y a aussi un message vachement écolo. Dans le sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est toi l'intrus en fait. C'est le joueur l'intrus, c'est pas les créatures qui font flipper. Elle, t'es dans leur environnement, c'est toi qui viens les déranger en fait. Donc le jeu t'encourage pas à les tuer aussi. Là, t'es là pour respecter l'environnement dans lequel tu es un intrus dans un environnement inconnu. C'est toi l'alien en fait sur cette planète-là. Donc faut faire ta vie, mais sans non plus trop foutre la merde. Ça que j'aime bien aussi dans le message du jeu. Voilà. Et je sais pas si du coup, si certains parmi vous ont y joué ou pas. Donc du coup, on sait que j'ai y a joué par l'intermédiaire du joueur du grenier. Mmh. Mais Fanny et Spider-Matt? Pas du tout. Pas du tout non plus. Eh ben, faites-le. Et ben, bah, moi, tu m'as donné envie. Donc je pense que je vais jouer par l'intermédiaire de G. Je vais laisser jouer et puis moi je vais lui demander de se filmer et comme ça j'ai juste à couper dans les moments qui font peur. Ouais, ça m'intéresse aussi. Moi, non mais les moments qui font peur, ils sont pas vrais. Enfin, moi je suis une vraie Fanny, tu sais, moi j'ai peur de ce genre de truc. Oui. Je suis une vraie flippette de tout ça. Moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement, tu sais qu'il va y avoir un truc. Tu prends ton petit sous-marin et t'arrives à 3000 mètres de fond, t'es dans une faille, il fait noir, tu sais qu'il va y avoir un gros truc. Ce qui est flippant, c'est quand tu le vois pas, une fois que tu l'as vu, bah, tu te dis bah je me casse en fait. Ouais. Oui. Ou c'est pour ça que t'y vas pas. Ouais, mais t'as pas le choix au bout d'un moment si tu veux finir l'histoire. Ouais, c'est pas grave, je resterai avec les crevettes et puis je ferai bonbon de crevettes. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un peu thriller. Oui. Il y a des moments un peu. J'ai sursauté une fois ou deux, oui, en jouant à ce jeu. Mais en même temps, il est tellement beau à côté et tellement relaxant que ça compense largement le reste. Et puis donc en fait donc c'est un jeu qui... c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, donc du coup qui en plus il a plutôt bien marché, c'est aussi pour ça qu'il est ressorti du coup sur les grosses consoles plus tard, parce que je vois que il est sorti il y a à peine ça fait même pas 2 ans qu'il est sorti en fait sur Xbox One et PS4, alors qu'il date de début des années 2010. Je sais plus, t'avais donné l'année, je sais plus. Début des années 2010, en fait, il était en accès anticipé en fait au début. L'alpha est sorti il y a une dizaine d'années, mais le jeu, il est sorti en la définition définitive terminée du jeu, c'était 2018 par contre. Ah ok, d'accord. Il est disponible sur Nokia 3210. et sur calculatrice T89 aussi. Non, il est sorti officiellement, la sortie officielle c'était en 2018, même si le jeu était plus ou moins fini en 2016. Alors moi je vous le dis, hein, si vous me lancez sur les calculatrices, on coupe toutes les autres geekeries et puis on part sur un débat calculatrice. Hein. Non c'est bon, moi je suis chaud, les gars. Moi c'est peut-être une boutade, hein, j'y connais rien du tout à ça. Putain, tu vois, instinctivement j'ai envie de te provoquer là. Allez, vas-y. C'est l'instinct qui sort. Ah, mais attends, en plus je peux vous dire que je fonctionne encore avec ma Casio, voilà quoi. Elle est sacrée. Elle s'appelle Juliette. Voilà. Je vous le dis, ma calculatrice Casio que j'ai depuis la seconde s'appelle Juliette. et elle me suit encore depuis toutes ces années. Et bien du coup, on va passer à toi, G. Et oui. Du coup, toi, tu nous sors complètement de l'eau. Pour nous emmener... c'est vrai, on est tout dans l'eau. Ah oh, oui, il n'y aura pas beaucoup de balades en bateau, là. pas de balade en bateau, c'est quand même si tu peux en faire sur du bateau, parce que tu nous amènes dans le monde de Kasparov quand même. Tu nous amènes dans le monde des échecs avec le jeu de la dame. Tout à fait, qui est disponible sur Netflix depuis fin octobre donc de cette année, qui est tiré du roman de Walter Tevis. Alors c'est une adaptation libre hein, et qui a été donc cette série, pour l'instant, il y a une seule saison et 7 épisodes, et ça a été créé par Scott Frank et Alan Scott, le Green Lantern. C'est pas un truc de dingue. Le pélo, il s'appelle comme le Green Lantern. Bref, voilà, ça m'a fait mon petit après-midi en préparant l'émission. J'imagine Alan Scott en train de faire un scénar, c'était... Voilà, petit plaisir personnel, avec des actrices, notamment celle qui joue le rôle principal, qui s'appelle Anya Taylor-Joy, qui est mais bluffante. Je l'ai trouvée absolument incroyable. Je sais absolument pas dans quoi elle a joué d'autre, mais dans cette série, je l'ai trouvée totalement phénoménale. Mais bref, le pitch, il est assez simple et concis. On va suivre une jeune gamine de 6-7 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Beth Harmon, qui est orpheline. Elle va perdre sa mère, son père, on ne sait pas trop, mais elle va perdre sa mère en fait dans des circonstances assez dramatiques. Et donc, elle va être recueillie dans un orphelinat dans les années 60 aux États-Unis. Dans cet orphelinat, disons qu'il y a un moyen très efficace en fait pour calmer les gamins. Moi j'ai été élevé à l'ancienne, c'est-à-dire avec la tarte dans la gueule, et là c'était vraiment la méthode très très ancienne, c'est-à-dire on les drogue en fait les gamins, hein, on les calme avec des pilules. Donc elle est calme la petite, c'est oh putain, elle est d'une gentillesse incroyable, tu m'étonnes, elle plane tout le temps. Et cet enfant en fait va apprendre les échecs avec le gardien de cet orphelinat. Et il s'avère que cette gamine va devenir extrêmement rapidement totalement monstrueuse aux échecs. Donc elle va commencer en quelques semaines, mois, à mettre des branlées en fait au mec qui lui a appris à jouer, alors que c'est quand même un joueur voilà, qui a quand même pas mal de bagages et de culture sur les échecs. Et on va commencer à suivre un petit peu les étapes de la vie de cette gamine, qui à la fois a un don extraordinaire pour les échecs, à la fois, on peut le dire, elle démarre pas forcément bien dans la vie, avec en étant orpheline et en ayant très jeune un petit penchant, une petite addiction pour la drogue. Et pourtant, on va la regarder évoluer, grandir, et améliorer son talent pour les échecs et réussir à gravir un petit peu tous ces échelons-là pour espérer peut-être arriver tout en haut du sommet des échecs. Ce que j'ai trouvé mais vraiment vraiment hyper intéressant là-dedans, c'est que il y a évidemment une entrée en fait dans l'univers des échecs, et faut se le dire bien tranquillement quand même, faut quand même des bons dialogues, une bonne histoire, une bonne ambiance pour qu'on réussisse à s'intéresser à des parties d'échecs. Et là, je dois avouer que ça a tellement bien fonctionné qu'a priori, suite à la diffusion de cette série sur Netflix, les ventes de jeux d'échecs ont totalement explosé. Des fois que dans notre famille, on est tous des petits Kasparov, on sait pas. Faut essayer de faire jouer aux échecs les gamins, ça se trouve, on a un génie chez nous, on n'est même pas au courant. Mais c'est pour vous dire à quel point les parties et comme se déroulent en fait comme sont retranscrits les parties, comme c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est que à la fois on va avoir cette jeune fille, comme vous pouvez le voir sur les photographies, qui est on est dans les années 60-70 aux États-Unis, elle est magnifique, elle est tirée à quatre épingles, elle est d'une classe absolument incroyable, et en même temps on va se rendre compte assez rapidement que le vocabulaire qui entoure le jeu des échecs est quand même assez, assez guerrier, quoi. C'est vraiment un jeu de stratégie, de guerre, où il faut venir essayer d'écraser son adversaire, d'écraser son ennemi. Jusqu'à... Il y a vraiment une espèce de guerre qui va se jouer à chaque fois entre les deux participants autour de ce petit jeu... De d'échecs avec ses pièces en bois, et c'est totalement hallucinant. Et j'ai trouvé que dans ce langage guerrier, ça m'a fait penser des fois où je sais pas si vous vous rappelez cette scène de Conan où Schwarzenegger récite un petit peu ce qu'il faut faire pour être un bon guerrier, écraser les femmes, se repaître des cris des enfants, ce genre de truc. Et il y a un petit peu ce langage guerrier à moi, tu vois, mais avec une gonzesse qui est totalement sublime et tirée à quatre épingles, quoi. Et le décalage entre les deux, avec l'esthétique de la série, j'ai trouvé ça hyper bien trouvé. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a vraiment cet aspect guerrier, à la fois, il y a vraiment cette classe absolument étonnante de cette personne. Évidemment, on est dans les années 60, c'est une jeune fille, l'héroïne, donc il y a quand même un gros propos féministe, même si c'est pas... j'ai envie de dire, c'est pas l'essentiel du truc, mais c'est fait intelligemment. C'est pas fait, on t'enfonce pas ça au fond de la gorge en te disant, tiens, t'as vu comment je suis trop fort avec mes idées progressistes. Non, c'est fait intelligemment. Et à chaque fois que cette jeune fille va devoir enfoncer des portes qui lui sont mises devant elle par des hommes blancs, à un moment donné, en fait, on va complètement adhérer au truc et la suivre dans cette, à la fois dans ses malheurs et à la fois dans cette aventure. C'est vraiment, c'est un énorme succès cette série, et je peux que vous conseiller vraiment de la regarder. Je trouve qu'il y a vraiment le schéma narratif, il est classique. Si on prend 2-3 pas de recul, on a vraiment cette jeune fille qu'on va suivre pas à pas, on va apprendre à la connaître, à s'attacher à elle. Évidemment, il va y avoir des choses qui vont faire que, oh là là, mon Dieu, c'est la merde pour elle. Et puis, il va y avoir cette rédemption. Et voilà, c'est un schéma assez, assez bien classique. Mais c'est pas le problème, en fait, que ce soit classique, du moment où c'est tellement bien réalisé et surtout tellement bien incarné par Anya Taylor-Joy, qui est tout simplement vraiment, vraiment fantastique. Et... alors, je sais qu'il y a une expression là qui dit quand on rush une série, là, c'est la binge-watcher, hein, si je dis pas de conneries. Mm-hmm. C'est un truc que c'est j'aime ça. Pas du tout faire, parce qu'au contraire, j'aime bien prendre mon temps et apprécier un petit peu chaque épisode et faire durer ça. Je suis pas un énorme consommateur de séries, et là, pour le coup, je l'ai déglingué en moins de 48 heures. Il y a 7 épisodes de 50-60 minutes, mais t'es pris dedans, c'est tellement bien fait, il n'y a pas de temps mort, tu t'attaches à Anya Taylor-Joy et à chacun des personnages, et t'as vraiment envie de la voir défoncer ses adversaires, quoi, et puis s'en sortir, et surtout, au-delà des échecs, trouver sa voie et le chemin de sa propre rédemption. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder le jeu de la dame et pourquoi pas de faire une partie d'échecs. Alors du coup, il y a des gens qui demandaient sur le chat dans quoi Anya Taylor-Joy a joué. Donc elle a joué dans Split et Glass de Shyamalan. Il me semble qu'elle est dans Glass, je ne suis pas sûr, tu confirmes. Et du coup, c'est un peu c'est l'une des têtes d'affiche des New Mutants. Du coup, qui était sorti cet été. C'est Iliana. Ah oui, il est sorti ce film, c'est connu. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu celui-là. Tiens. Non, je ne l'ai même pas vu celui-là. Non, moi non plus. Je ne savais pas que. Comment dire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série ou non. Non, pas encore. J'avais déjà très envie, mais cet argumentaire m'a donné vraiment envie de la regarder maintenant. Donc je vais vous laisser, du coup, et je vais aller mettre devant Netflix. Bonne soirée. Et on me l'a très très bien vendu. Je vais regarder avec Bonatia. Allez, c'est... Ouais, voilà, allez. Non, c'est vrai que ça. Moi, c'est une série qui me donnait, qui personnellement me donnait envie, mais dont j'avais surtout peur en fait que les schémas narratifs soient trop convenus. C'était surtout ça ma crainte. C'est pas grave. C'est, enfin, le... bah après, les ficelles qui sont utilisées, c'est des ficelles, je te dis, qui sont classiques. Mais c'est pas grave du moment où c'est bien fait et du moment où c'est soutenu par, par cette ambiance, par cette vision du jeu des échecs. Et voilà, et puis enfin, je suis déjà de le redire, hein, mais vraiment, cette actrice, quoi. Oh, putain, je l'ai trouvée incroyable, hein, mais vraiment. Hein. Ah, je l'ai pas, bah, je l'ai même pas reconnue, tu vois, dans New Mutants, mais putain, je la trouve géniale, quoi. Vraiment. J'entends beaucoup de gens en parler en bien de cette actrice, de cette série, mais de cette actrice spécifiquement aussi. Donc, ça, je pense que je vais m'y mettre, je vais m'y mettre ce week-end à cette série. Ça a l'air vraiment, vraiment super. C'est une actrice qui marche de plus en plus parce que, outre le fait de s'être fait connaître dans Split, New Mutants, c'est surtout que c'est des grosses licences. Enfin, c'est des grosses licences. Un Marvel, c'est forcément une grosse licence, qu'il ait marché, pas marché. La prod, ce sera un fiasco ou non, ça reste quand même une grosse licence. Et puis, Shyamalan, avec Split, était revenu un peu revenu d'entre les morts après un long passage à vide. Et ça fait pareil, le cinéma de Shyamalan reste un peu en avant. Donc forcément, il y a ce pareil où les acteurs obtiennent une bonne notoriété. Donc elle a joué dans des bons projets, elle a très bien joué, donc forcément, son nom circule de plus en plus, quoi. Et je me permettrai juste de compléter parce que j'y connais pas grand chose aux échecs, outre que des fois je me fous ça, faut pas me demander pourquoi je me fous ça en fond quand je bosse des lives d'échecs parce que du coup je ne comprends rien et ça me voilà, je sais pas pourquoi, mais je vous conseille une nouvelle qui s'appelle Le joueur d'échecs qui est écrite par Stefan Zweig. Qui est un Autrichien et qui en fait c'est une nouvelle d'une centaine de pages qui est un superbe récit en fait entre une rencontre d'échecs en fait entre le champion du monde sur un paquebot et un ancien aristocrate autrichien qui a appris à jouer aux échecs d'une manière un peu particulière et donc c'est un superbe récit que je vous conseille. Voilà, c'était pour rebondir un peu sur les échecs. Et une bise à Florent Bull qui est un gros joueur d'échecs. Voilà, ça n'a rien à voir, mais ça me faisait plaisir de le dire. Et donc, du coup, on va l'inviter tout de suite et on va faire un échec en live. Alors, tout de suite. Alors, le pion en D4. On va juste m'expliquer comment on joue, mais ok, très bien, on y va. J'y vais. C'est pas si facile que ça, en vrai. T'as des pions, t'as des cavaliers et tout. Et en fait, genre, si ton cavalier passe au-dessus du pion, tu récupères le pion. Et après, quand ton chèque, ton cavalier ou ton pion, il va tout au bout, ça devient une dame. C'est pour ça que c'est le jeu de la dame. Voilà, alors du coup. Et franchement, super résumé. Ça dépend si on joue avec des dés ou avec des poutres de 8 mètres. Parce que sinon, ça fait un sloubi du coup. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais si vous n'avez pas 4 dés de 6 et 12 dés de 4, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous en faites pas, ça se trouve dans le commerce. C'est un super cadeau pour Noël. Non, mais sinon, on fait un cul chouette. Pardon, je vais arrêter là. Non, n'arrête pas ce genre de rêve. Nous t'aimons, Donatien. Nous t'aimons. Moi, j'aime bien. Non mais c'est vrai que tu m'as bien épé comme les autres dessus et c'est vrai que même si je suis pas fan des ficelles narratives trop grosses, même si c'est bien fait et quand les personnages sont bien travaillés, ça donne quand même toujours envie de regarder la série. Et là on va changer complètement de sujet, de domaine, parce que là du coup Fanny, tu vas nous parler de Avatar avec Sigourney Weaver. C'est pas ça? Il fallait pas le dire. C'est Avatar, le dernier maître de l'air. Je précise, ce n'est pas le même. Avec Sigourney Weaver, avec une flèche sur le front. Ouais. Alors, je précise également, c'est la série animée. Ah oui, non, le film. Non, ça n'existe pas, le film. Non. Il s'appelle pas Avatar, le film. Ça de façon, tombe bien, je l'ai pas indiqué. Ça tombe super bien sur la miniature. Nickel. Donc, oui, Avatar, donc c'est pas une découverte. Je l'ai déjà vu il y a un moment, mais là, je me suis remis récemment. Je me refais toute la série parce que c'est une série exceptionnelle que j'adore et qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Pour faire un résumé rapide, parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est dans un monde où il y a quatre types, donc il y a un système de magie qui est séparé en quatre. Donc il y a ceux qui maîtrisent la terre, ceux qui maîtrisent l'air, ceux qui maîtrisent l'eau, ceux qui maîtrisent le feu. Donc sont séparés en quatre nations, nation du feu, nation, enfin, vous avez compris. Et pour tout, amener l'équilibre parmi ces nations très différentes, il y a l'avatar. Qui est un élu qui en fait maîtrise les quatre éléments et qui voilà est chargé, comme je le disais, de maintenir un peu l'équilibre. Et quand cette série commence, en fait, le dernier avatar donc a disparu depuis 100 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, les premiers personnages qu'on voit sont des membres de la tribu de l'eau. Qui sont au pôle nord, en fait. Au pôle sud, pardon. Au pôle sud. Non, mais oula, faudrait pas que je dise des conneries, tu as parfaitement raison. je m'en voudrais. Qui, en fait, trouve complètement par hasard donc l'avatar qui s'est cryogénisé par erreur, hein, voilà, on peut le dire. Ça m'arrive tout le temps dès que j'ouvre le congé. Et en fait, c'est un enfant qui a 12 ans, 112 ans du coup, mais bon, voilà, qui est resté dans la glace pendant 100 ans, qui découvre un monde qui est un peu parti en couille hein, pendant son absence, puisque la Nation du Feu a décidé de défoncer tous les autres, et a quasiment réussi, hein, parce qu'il n'y a plus grand monde en face pour se battre, mis à part la Nation de la Terre et encore pas tout. Donc, bah, voilà, la quête de l'avatar qui s'appelle Aang, c'est de maîtriser les autres éléments, puisque quand il commence, il est maître de l'air, il est né parmi les nomades des maîtres de l'air, mais il ne connaît pas encore les autres éléments. Donc, son but, ça va être de se former en accéléré, parce qu'évidemment, il faut contrer la nation du feu et dont notamment son dirigeant, hein, qui clairement a des ambitions quelque peu génocidaires, quoi. Voilà. C'est pas quelqu'un de très sympathique. Il est pas sympa même avec les gens de sa famille. Voilà. C'est quelqu'un de pas cool. On peut le résumer comme ça. Pas cool. Et donc bah, c'est très sympa parce que déjà voilà, vous l'aurez compris, l'univers est très intéressant, le système de magie est très original et très bien maintenu du début à la fin de la série. Il y a un côté très positif parce que bah voilà, l'avatar c'est un enfant de 12 ans, donc il a son côté très très enfantin, très positif et il veut croire le meilleur des gens en règle générale, et puis en même temps voilà, c'est un gamin qui a toutes les responsabilités du monde sur son dos et qui bah, malgré tout arrive quand même à rester garder l'envie d'aider les gens et d'être le lien entre tout le monde littéralement. Et voilà, je vous en dis pas plus sur l'histoire, c'est déjà pas mal, mais c'est passionnant, c'est assez fun et c'est assez positif, et c'est voilà, un incontournable pour moi, hein, des séries d'animation, d'où le fait que je le revois complètement parce que c'est génial. À savoir qu'il y a également une suite qui s'appelle La Légende de Korra, qui est donc sur un autre avatar. Qui s'appelle Korra, évidemment, voilà, et qui est assez différente, un peu plus mature, un peu plus adulte, mais très intéressante aussi. Donc voilà, c'est un univers pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'épisodes au final, puisqu'il y a les 61 épisodes de cette série-là, et je crois qu'il y en a une cinquantaine dans Korra. Et c'est bon, franchement, encore une fois. Hein, c'est la période, la bonne période pour regarder ça en fait, hein, parce que c'est positif, qu'on en a bien besoin et c'est surtout excellent, donc n'hésitez pas. Voilà. Les enfants peuvent le regarder ou Ouais, complètement. Ouais, complètement. C'est sur Netflix en plus. Oui, c'est sur Netflix maintenant, exactement. Et c'est typiquement ce genre de série d'animation où les adultes peuvent le regarder et trouver des tas de choses que les enfants ne vont pas saisir, mais les enfants vont s'amuser quand même parce que c'est une super série. Et voilà, mais voilà, y a une double lecture sur certaines choses qui est très intéressante et très bien gérée. Et donc, pas de problème pour les gamins. C'est même, je pense, super pour les gamins parce qu'il y a des tas de valeurs chouettes. Sans que ça soit non plus tapé sur leur crâne, quoi. Au contraire, c'est subtil et c'est vachement bien. Et on sait pourquoi il y a une grosse flèche bleue sur le front ? Tout à fait, c'est la marque des nomades de l'air qui se, bah, quand ils maîtrisent l'air, ils ont ce signal-là, ces tatouages-là sur les mains, sur le front, sur les pieds aussi. Et je vois sur les jambes aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, mais tu l'as regardé récemment, du coup ? Bah je la re-regarde en fait. Je l'ai découverte il y a quelques années. Ça date quand même d'il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais, exactement. Je sais plus quand j'ai vu ça. Il y a peut-être 3-4 ans, je dirais. Je sais plus bien. Non, pas il y a 3-4 ans. Je t'ai fait chier avec ça l'année dernière, non ? Il y a 2 ans. Ah, peut-être il y a 2 ans. T'as peut-être raison. Ouais, il y a 2 ans. Ouais, mais tu sais, il y a un espace-temps cette année, donc je sais plus. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était il y a 2 ans. Je sais plus. Bref, ça fait un petit moment en tout cas que j'ai fait mon premier visionnage. Mais là, bah, comme c'est arrivé sur Netflix en fait, je suis retombée complètement dedans et je suis à la fin de la saison 2 déjà. Donc voilà. Et c'est top et c'est assez. Il y a des personnages vraiment hyper complexes et super bien écrits et pas du tout manichéen. Et c'est. J'en dis pas plus, je préfère laisser découvrir, mais il y a notamment deux personnages qui, pour moi, sont parmi mes préférés, toutes œuvres confondues, en fait. C'est super. Je sais pas si d'autres, du coup, l'ont vu. Bah, je présume que toi, tu l'as vu, Donatien, si t'as choisi dans l'air des Fanny, c'est que je présume que tu l'as vu. Mais vous remarquez quand même qu'il y a un fil rouge. Hein. Ouais, j'avoue, t'as dit que je te fais chier pour que je les regarde et qu'ils jouent. Je l'ai vu, je l'ai découvert il y a longtemps et c'est une de mes séries préférées. Et je l'ai revu il y a pas longtemps aussi, totalement sur Netflix, parce que je l'ai fait découvrir à un ami. Du coup, j'ai tout refait en même temps aussi. Très, très bonne série. C'est pas mal parce que du coup, Fanny, elle prend des trucs conseillés par Donatien et puis Donatien, il prend. Des geekeries un peu orientées vers Fanny en mode bon bah t'as compris pour la suite quoi tu vois. Il y a... Encore une fois c'est un fil rouge de notre de nos discussions globalement. Oui là c'est dans ce sens là mais très souvent c'est l'inverse. Et bah, moi j'ai découvert ça parce que Fanny m'a fait chier avec pendant 2 ans tu vois. Enfin on se complète bien là-dessus. Oui c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait un bon duo de co-senior site. Oui, exactement. Qui va être bientôt notre appellation officielle d'ailleurs. Exactement, on va officialiser ça. Il faut qu'on en parle. Et voilà, on a une exclue sur ce live. Ne soyez pas étonnés si du coup demain le titre du live change. c'est assez fou parce que enfin moi Avatar les dessins animés Avatar parce que ça date et j'ai l'impression de regarder ça quand. Bah oui, parce que je suis encore un petit jeuneau, comme Spider-Man et j'aime bien le rappeler, je suis encore un petit bébé. Mais j'ai l'impression que c'était encore hier que je regardais ça quand j'étais ado. C'était hier. Ouais, mais quand ça passait à la télé, dans le programme, je sais plus, du coup, c'était T'es fou sur TF1 ou France 3 ou un truc comme ça, quoi. Et c'est fou quoi, j'ai l'impression de rappeler certaines scènes alors que finalement quand je regarde la date ça date de 2005 et c'était il y a 15 ans que je regardais ça et voilà et j'ai l'impression de revenir un peu en enfance même si finalement j'ai pas de souvenir particulier de l'histoire mais ça me donne envie aussi de m'y remettre. Bah franchement le coup de regarder ça avec quelques années de recul ça, enfin je me dis tu pourrais peut-être y voir des tas de choses différentes, ça serait intéressant en vrai d'avoir ton avis là-dessus. Et il y a beaucoup, moi je trouve qu'il y a beaucoup de dessins animés actuellement où tu as vraiment un double discours pour que ça fasse du divertissement quand t'es gamin, mais quand t'es adulte, tu te dis ah ouais, putain, ah ouais, et tu vois ce qui est dit derrière. Et c'est aussi intéressant je trouve ça aussi intéressant de revoir certaines œuvres qu'on regardait enfant et qu'on peut regarder par pure nostalgie. De dire, ah, quand j'étais gamin, j'adorais ça. Ah, je me mets ça un peu avec ce côté régressif à se remettre en enfance. et finalement de dire ah oh, putain, mais je passe tellement à côté de je sais pas combien de discours, et c'est mais c'est et c'est pas et ça montre aussi souvent une très bonne qualité d'écriture, parce que c'est très loin, enfin c'est très loin d'être facile de jongler sur les deux, quoi. Pour les Disney hein, aussi beaucoup ça fait ça, hein. Ouais, je sais qu'il y a des vannes dans les Disney dans Aladdin, j'ai compris bien plus tard, parce que je l'ai pas capté quand j'étais petit, quoi. C'est vrai, ouais. Dans les Pixar beaucoup hein, ils sont assez spécialistes de ça, je trouve, les vrai. Pixar. Ah ben les Pixar c'est les rois hein. Ouais, clairement. C'est vraiment le studio où tu vas en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, t'as une expérience expérience de visionnage qui est complètement différente et qui pour moi est tout aussi plaisante, quoi. Mais je suis ouais, c'est après c'est enfin et aussi côté enfin c'est pareil, c'est même génération de enfin une mouvance dans l'écriture qui arrivait surtout beaucoup aux États-Unis, ce qui arrivait encore plutôt au Japon plutôt vers les années 80, mais qui aux États-Unis est arrivé vraiment vers enfin milieu 90 fin 90 et qui a vraiment explosé au début des années 2000, et aujourd'hui on est quand même béni en termes de dessins animés portés enfants et adultes, et moi c'est un truc que j'aime bien prendre comme exemple dans l'émission. Enfin, je reste quand même vachement attaché à ce que faisait Karim Debbache dans Crost, et à un moment il le parle dans un des épisodes, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont tournées pour les enfants qui sont de très grande qualité, et encore plus dans le dialogue, et qui marchent aussi sur les adultes, et c'est en termes de dessin animé ça s'est vraiment développé, et voilà, quoi. Bon, je vais pas m'étendre 3 heures, parce que ça restait la geekerie de Fanny au départ. Mais vous êtes parfaitement, vous avez parfaitement le droit d'aller dans mon sens. Moi, j'aime bien. Hein. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Ah, tiens, dans le chat, il y a Cédric Comics qui mentionne She-Ra sur Netflix, qui est pas mal pour le double discours. Complètement. Tout à fait. Et on aurait pu le choisir aussi. D'ailleurs, instant autopromo, on sort bientôt une vidéo qui parle de plusieurs de ces séries animées-là, dont Avatar et She-Ra, n'est-ce pas, Fanny ? Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai mentionné. Oui, t'as bien fait, tant qu'on y est. Hein. Que d'exclus dans ce live. Ah ouais, on vous avait promis de l'action, vous en avez. Il y en a. C'est en diable. Et il y a Monsieur Biscuit 18 qui nous dit que c'était bien sur France 3 et qui dit implicitement que c'est sa série animée préférée qu'il ait jamais vue. Donc, comme quoi. Je sais pas si vous, G et Spider-Man, vous avez quelque chose à dire sur Avatar, mais sans Sigourney Weaver, malheureusement. Non, jamais vu. Lu ou vu? Vu. C'est une BD aussi? Il y a eu des comics, ouais. Ouais, il y a eu des comics. Qui font suite à la série, ouais. Il y en a encore qui ont été annoncés, là, ça continue, il y en a quelques-uns. C'est chez Dark Horse, ça, aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Ah, j'ai pas mentionné, mais il y a quand même Mark Hamill qui fait la voix du méchant. La voix du grand méchant. C'est vrai. Ce qui fonctionne très très bien. En double, d'ailleurs, t'as Mark Hamill et t'as J.K. Simmons dans La Légende oui, de Korra. Tout à fait. Il y a des beaux noms dans les doublages. Oui. Et moi, ce que je voulais rajouter d'ailleurs par rapport à ça, c'est que moi j'aime beaucoup la VO des deux séries. Par contre, la VF est très bonne aussi. Et je trouve que c'est assez rare. C'est important de souligner, c'est une série qui passe extrêmement bien en version française et en version originale. Comme ça, c'est bien pour regarder avec les enfants aussi. Oui. Ah, voilà. Vous avez compris, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller voir voilà. Avatar sans Sigourney Weaver d'un mètre de l'air. Je vais vraiment... Enfin, de toute façon, c'est sûr que je le proposerai au petit, ça c'est certain. De la même manière qu'il regarde, alors il tourne, hein, parce que sur Netflix il y a tellement de trucs, mais il regarde aussi Miraculous, qui avait été défendu par Flo, et franchement il kiffe, hein. il avait raison, les gamins ils adorent Miraculous. Hein. Et Avatar, ouais bah allons-y, ouais, ça a l'air vraiment sympatoche. Mais écoute, tu nous diras hein, si les enfants valident. Attention, ils sont chiants. Le jugement. Et après Avatar, et ben du coup, donc Donatien va nous donner la future série des gosses de G. Et donc, de ce que j'ai compris, la future série de Fanny, donc il va nous parler de The Boys. Alors non, justement. Pour le coup, cette série-là, moi, je l'ai regardée là récemment, les deux saisons à la suite, alors que Fanny a regardé dès le début. Donc c'est elle qui m'a influencé. Donc, voilà, on casse le fil rouge. Et voilà. C'est parti. Mais non, c'est du ping-pong, on se renvoie les choses. Alors, la série The Boys, donc une série qui est disponible sur Amazon Prime Video. Moi, j'ai découvert tardivement, en fait, la saison 2 venait de se terminer, la diffusion, quand j'ai commencé à regarder, donc j'ai tout vu, genre sur 2 semaines, je crois. C'est une série qui est adaptée d'un. Qui vient d'une adaptation de comics, où on suit, en gros, en résumé, un groupe de. Pas du tout de super-héros, de bras cassés plutôt, on surnommera les Boys, qui eux sont plutôt là pour. Plutôt que de. C'est un monde où les super-héros sont pas idéalisés, où les super-héros sont plus des personnalités médiatiques au service des grandes entreprises. Vous remarquez le fil rouge encore une fois là-dessus. Hein. Dans nos choix d'œuvres et qui sont loin d'être des enfants de cœur et qui sont plutôt là pour vendre des figurines et faire des entrées pour les films dans lesquels ils jouent leur propre rôle que pour sauver la veuve et l'orphelin. Et donc du coup notre équipe de héros, les Boys, sont là pour montrer à quel point les super-héros sont en fait une belle bande de connards et de monstres et que la Terre serait mieux s'ils n'étaient pas là, en résumé. C'est une série que j'ai découvert. En fait, j'avais pas voulu y aller tout de suite quand la série est sortie, parce que j'avais parcouru le premier volume de la BD de Garth Ennis, ouais, c'est ça. La BD, et d'Aric Robertson. J'avais pas trop accroché, mais à l'époque, mais c'était il y a. Je sais même pas quand ça, mais ça fait plusieurs années que j'avais parcouru ça. J'avais trouvé ça un peu trop trash, visuellement, un peu trop violent à l'époque, en tout cas. Ouais, Garth Ennis, quoi. Ouais, voilà, et ça m'avait un peu rebuté. Là-dessus, je vais pas vous mentir, mais j'ai fini par me lancer dans la série. Et oui, c'est trash, c'est pas la même façon, mais c'est quand même déjà assez graphique, on va dire. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est hyper drôle. C'est un très bon exutoire. Alors, c'est pas une échappatoire celle-là, oui. Mais je sais pas, il y a un côté défoulant de voir autant de violence. Non, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Oui, mais c'est comme ça que c'est sorti. Non, mais voilà. Oui, il y a un vrai défouloir là-dedans. Et le casting est assez génial du côté des Boys, notamment avec Karl Urban, qu'on a connu pour Éomer, notamment, dans Le Seigneur des Anneaux, qui se retrouve à jouer un certain Billy Butcher, qui a un accent anglais à couper au couteau. Monsieur et qui passe son Charles temps, passe son temps à jurer, à insulter les gens, c'est sympa aussi. À traiter tout le monde de cunt. Ah oui. Qui est extrêmement violent et qui déteste absolument tous les super-héros. Et dans les personnages absolument géniaux aussi, on a les super-héros justement qui sont des parodies, principalement des parodies des super-héros d'ici. C'est le groupe des 7 qui sont pour une espèce de Justice League un peu pourri, avec le flagship qui est... comment il s'appelle ? Homelander. Ouais, je sais, mais chercher en français, ils l'ont traduit. C'est le Patriot, je crois. Ah ouais, ils sont traduits en super-héros. C'est pour ça le protecteur, non ? Le protecteur, c'est ça, ouais. Pardon. Merci. C'est bon, j'ai retrouvé les pages, c'est ça. Donc, Homelander en anglais, mais le protecteur en français, qui est un mec, mais... Si vous avez lu tous ces comics où Superman passe du côté obscur, où il fait peur, il est méchant, bah, c'est à peu près ça, mais avec un sourire crispé et un blond peroxydé en plus, quoi. Et puis, c'est... Oui, pas qu'il est obsédé par le lait. Ouais, il a aussi un rapport très bizarre avec les femmes et le lait. Ce qui en soi suffit à être très malaisant. Ouais, voilà, juste ça. Non, mais il est très malaisant. Il est très malaisant. Il y a d'autres, il y a leur espèce de flash, là, le A-Train, qui est un espèce de flash sous acide. Je sais même pas bien comment le définir. Et le mieux, mon préféré, c'est l'homme poisson, ou The Deep en anglais, qui est en gros toutes les vannes qu'on fait sur Aquaman depuis 50 ans. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il a le même costume, mais en plus ridicule. Il parle vraiment aux poissons. Il ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas d'eau à proximité. Enfin, c'est une série que je trouve assez incroyable. Il se passe énormément de choses. Moi, ça m'a tenu en haleine du début à la fin de chaque épisode. Pourtant, ils sont assez longs. Hein. Ils durent entre tous au moins une heure. Et c'est le casting est incroyable. Les épisodes sont vraiment cool. L'histoire m'a surpris plusieurs fois pour le coup. Et si on n'est pas trop dérangé par la violence gratuite. Hein, c'est une très très très bonne série que je recommande chaudement. Et c'est marrant de voir des super-héros sous cet angle-là aussi. De voir nos super-héros préférés de comics être finalement les méchants dans l'histoire. Parce que comme tu le dis, donc, The Boys, c'est adapté du comics de Garth Ennis, Robert Swank, que vous l'avez dit. Et sachant qu'ils ont fait une mini-série qui s'appelle Dear Becky, qui est sortie l'année dernière. Ouais. Mais pas avec. Il me semble pas que ce soit Derek Robertson, parce que je crois que c'est. Non, c'est Russ Brown au dessin, je crois. Mm-hmm. Et Dear Becky, en plus, vient tout juste d'être annoncé pour sortir début 2021, il me semble. Donc pour les fans du comics. J'avais pas vu, tiens. Les fans du comics, du coup, vont même pouvoir. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu en VO, vont pouvoir bientôt se remettre la série sous la dent. Toi, je sais que tu l'as lu. Enfin, tu l'as lu, que tu l'as. Bah, t'as lu et t'as vu Spider-Man. Bon, dis-nous tout. Dis-nous tout. Si alors... tu dois faire un classement entre Good Boys, Batman, Darth Metal. est-ce que si Batman, Darth Metal est touffu, eh bien, justement... moi j'attends le qualificatif de The Boys. Je vais réutiliser ce bon. Non mais alors j'ai lu le comics avant de regarder la série. Alors déjà de base il y a une grosse différence avec le comics au niveau du composé V. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne très bien en fait comme ils le gèrent dans la série, ça fonctionne très bien. Et le point fort je dirais même de la série par rapport au comics, c'est que parfois c'est long en fait, il y a des longueurs dans le comics. C'est quand même, je sais plus combien de numéros, mais il y en a beaucoup. Et parfois ça traîne. Et aussi dans le comics, il y a parfois aussi je trouve trop de personnages et d'équipes, qui rend le tout touffu. Ouais. Mais sinon, au niveau des acteurs, Anthony Starr qui joue Homelander, il fait un meilleur Homelander que dans le comics. Enfin, c'est le mec retransmet parfaitement le psychopathe que Garth Ennis a écrit en fait. Il le joue vraiment trop bien. Il est dérangeant. On sait jamais vraiment ce qu'il pense. Et franchement, cet acteur, il tient le rôle, mais là. Ah ouais, non. J'ai pas envie de savoir ce que c'est ça en fait. C'est qu'on n'a pas envie de savoir, c'est hyper. Voilà, t'as pas envie d'être dans sa tête. C'est incroyable quoi. Ah ouais, non, il tient le rôle, mais à la perfection, je trouve. Et puis voilà, la série s'arrange avec le comics. Ils assument de ne pas le suivre à la lettre. Ils rajoutent même des personnages, ils en enlèvent, mais il n'y a pas de souci en fait. L'esprit est là. Et au final, c'est mieux même, parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui a suivi le comics de revoir la même chose à la télé. Donc, non, c'est vraiment une pure merveille, moi, je trouve. Le comics, il fait 72 numéros et il y a 3 mini-séries, donc il y a 90 numéros au total. Ouais. C'est vrai que c'est Ouais. Parfois, il y a quand même des longueurs, ça parle beaucoup. C'est parfois assez verbeux. Alors que la série, non, il n'y a pas de temps mort. Ça va à l'essentiel et c'est plutôt point positif par rapport aux comics. C'est un monsieur bus. Ouais, 90, il faudrait plusieurs omnibus. Je pense. Il faudrait au moins deux. Ouais, deux, trois. Au minimum, ouais. Ou un omnibus de 7 kilos. Et c'est possible. Et t'as monsieur Biscuit 18 qui te demande c'est quoi le meilleur, le comics ou la série. Les deux sont différents, vraiment. Je peux pas choisir en fait, parce que comme je disais, c'est vraiment différent dans le ton. Il y a pas les mêmes personnages. C'est géré différemment. Donc la série, c'est vraiment refait pour la télé. Donc c'est là où le comics prend plus son temps, parce que voilà, c'est du papier, c'est de la lecture. La série ira un peu plus vite. Donc les deux se complètent, hein. c'est vraiment bien joué quoi. Toi G, il me semble pas que t'aies vu la série et il me semble pas que t'aies lu le comics. Et non. Et voilà. Voilà. Et c'est tout pour moi. Et je suis un peu dans la même situation que G, parce que Spider-Man avait parlé de la série The Boys donc il y a un an pour la première saison. Et à l'époque, la question s'était forcément posée, que je n'ai pas reposée là, qui était est-ce qu'il faut avoir lu le comics pour voir la série ? Et pour les gens qui ont envie de déterrer l'émission, Spider-Man me dit je vous conseille quand même de lire le comics avant de regarder la série. Moi, je me suis dit, j'ai changé d'avis. Je vais écouter Spider-Man. Spider-Man est un homme de confiance. Spider-Man est quelqu'un qui sait mettre des qualificatifs sur les comics avec Touffu. Je vais lire les comics avant de regarder la série. Je l'écoute, je suis un bon élève. Je vous rappelle que ma calculette s'appelle Juliette. Et du coup, ben, j'ai commencé le comics et en fait, j'ai un peu le... En fait, moi, j'ai un peu le même phénomène que Donatien, c'est-à-dire que c'est très trash. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé très trash. Et ce qui me gêne, je ne remets pas en cause l'écriture parce que je trouve que l'écriture est quand même bien amenée. Et c'est vraiment le style en plus que j'aime de Garth Ennis. C'est ce style-là, notamment, qui fait que j'adore Preacher comme comics. Ouais. Mais je n'y arrive pas parce qu'il y a une proportion de violence gratuite dans le comics, à mes yeux, sur le début, hein, j'ai pas lu beaucoup, qui fait que j'ai vraiment eu du mal à me lancer dans la lecture et ça m'a pas mal freiné. Donc du coup, j'ai vachement été à me dire il faut passer outre, mais au moment où j'ai lu, moi j'arrivais pas à passer outre parce que ça faisait beaucoup trop violence gratuite. Quand dans Preacher, je trouve que la violence finalement est pas si trash et qu'elle sert quand même finalement le propos du récit. Autant dans The Boys, je trouvais que des fois ça va trop loin et j'avais du mal, j'arrivais pas à avancer. Donc je me retrouve après, un peu dans ce que disait Donatien tout à l'heure. Quoi. Si tu comptes lire le comics, tu vas devoir plus t'investir dans le comics, comme tu dis, il y a une centaine de numéros. La série se regardera beaucoup plus vite, donc tu passeras moins de temps à la regarder, mais du coup ça va te spoiler quand même des éléments et voilà des choses du comics. Donc, ce serait un peu con de vite regarder la série en quelques heures et ensuite passer des dizaines d'heures à lire le comics et déjà connaître des choses à l'avance. C'est pas le même investissement. Toi, Fanny, du coup, sur la série, comment t'as ressenti le truc ? Parce que du coup, t'as pas lu le comics, de ce que j'ai compris. Non, j'ai pas lu le comics. J'avais un peu pareil que Donatien. J'avais un peu jeté un coup d'œil, mais... Garth Ennis, des fois j'adore, des fois j'ai un peu de mal parce qu'en effet le côté trash, voilà. À l'époque je venais de lire plusieurs, non, je venais de lire en accéléré plein de numéros de Hellblazer de Garth Ennis parce qu'on avait un podcast des GG Comics dessus pour l'anecdote et du coup alors c'est bien mais fou. Oh, c'est bien trash quoi et je me suis dit allez bon bah je vais regarder The Boys, ça fait un moment et je pense que c'était au moment où ils annonçaient la série, donc bien avant que ça soit diffusé hein, mais bon du coup ça date un petit peu et donc j'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit non, visuellement déjà c'était pas trop mon style de dessin et en effet j'ai lu 3-4 chapitres, pas plus. J'ai même pas lu un tome complet. J'ai fait, ouais, non. Ah ouais, non. C'est trop, trop graphique pour moi. C'est trop trash. Ça me plaît pas. Et en effet, je rebondis sur ce que tu disais. J'avais pas la sensation que ça servait l'histoire comme pour Preacher. Donc, bah, j'ai laissé tomber. Et puis, du coup, quand il y a eu la série, j'étais pas spécialement emballée. Puis bon, j'ai fini par regarder quand même le premier trailer. Et là, j'ai fait, oh oh ah ouais, ça a l'air trop bien. Et donc, bah, j'ai toujours pas retenté le comics, mais je me dis, faudrait que je le lise quand même un de ces jours, quoi, pour voir un peu d'où ça vient et voir aussi les différences et tout ça. Et même si j'ai pas forcément les surprises, c'est pas bien grave, mais non, j'ai pas du tout lu les comics. J'avoue, c'est surtout le style visuel qui m'a bloqué. Et la série, ouais, moi j'ai adoré, moi je l'ai bouffé par contre, mais oh, je pense qu'en 3 jours j'avais regardé tous les épisodes de la saison 1. Alors que d'habitude je prends un peu mon temps quand même pour, j'aime pas trop tout regarder d'un coup. Ouais, c'est ça. Tu vas te calmer. Excuse-moi, maintenant on a d'autres personnes, non, t'as bien prendre ton temps, c'est vrai quand même. On mais sent qu'il y a des dossiers. Donc du coup, on va divulguer là-dessus. Dites-nous. Non. C'est vrai que des fois, je regarde un peu rapidement quand je suis passionnée, mais bon, voilà. Non, mais c'est quoi cette mauvaise foi ? Non, j'aime bien prendre mon temps et tout. Fanny, c'est le genre de personne qui commence une série un vendredi, le mardi, et fait « Fou, je viens de commencer la saison 3, c'est vraiment sympa. Hein. » T'exagères, sérieux ? Tu l'as fait pour Battlestar Galactica. Oui, mais c'est Battlestar Galactica. Ouais, voilà, non, mais si, voilà. Voilà, pas vraiment, c'est pas un dossier, c'est juste une observation par rapport à son caractère et sa nature profonde. Oui, bon, bref, voilà, The Boys, c'était bien, j'étais à fond là. Et ouais, non, ça m'a complètement mis une grosse claque. Et c'est assez rigolo de retrouver ça quand même sur Amazon, d'ailleurs. On en parlait d'ailleurs, mais ouais. Bon, la société qui donc possède les super-héros, hein, puisqu'on peut me dire c'est ça. Bon, hein, c'est comme point de vue, c'est un peu Amazon, quoi. Hein, c'est un Amazon qui a bouffé Disney, quoi. C'est ça. Donc c'est un peu marrant de voir ça sur Prime Video. Mais bon, bref, ça me fait sourire. Mais non, c'est une série que j'adore et je suis complètement à fond. Il faudrait que je regarde les comics un jour. J'ai un peu peur d'être déçu, en fait, à côté. Ouais, pareil. J'ai pas envie de réessayer, en fait. Il faudrait que je le fasse quand même. Du coup, on s'engage à la regarder ou pas, du coup? Ah oui, ça c'est sûr et certain. À un moment ou à un autre. Mais et pas avec les enfants, pas. Oui, non, pas avec les enfants. Oh, faut voir. Les pauvres gamins. Tu vas être traumatisé. Alors, si tu leur expliques que tout ce rouge, c'est du jus de fruits, ça peut peut-être le faire. Beaucoup de jus de fruits, quand même. Ouais, ouais, beaucoup de jus de fruits qui volent. Dans la carotte. Ouais. On rajoutera de la marmelade, c'est pas grave. Non, mais il y a vraiment. Enfin, j'ai vraiment, vraiment envie de le voir. J'avais vraiment envie de les lire aussi. Mais la disponibilité et le format qu'il y avait chez Panini me tentait pas trop. Et, ouais, ils ont merdé sur ce coup-là, quand même. Hein. Parce que. Ouais. Donc, il y a eu des questions sur le. Il y a eu des questions sur le chat là-dessus. Donc, le comics, en fait, il est édité. Donc, il a été ressorti. Il a été réimprimé plusieurs fois pour la sortie de la série. Mais il est sorti en fait en 6 tomes, mais en Marvel Select chez Panini. D'accord. Donc les Marvel Select, c'est leur gros tome un peu souple. Aujourd'hui, donc les Deluxe par contre s'arrachent à prix d'or. Et un Marvel Select, il me semble avoir vu l'information par Nico tout seul. Il est à 26€, je crois. Donc ça fait 6 fois 26€, mais ils contiennent à chaque fois plus d'entre 12 et 15, 16 chapitres. Comme il y a les 90, épisodes, ça fait 15 épisodes en moyenne, quoi. Avec une qualité quand même pas ouf, sincèrement. Les selects, c'est pas ouf. C'est non, sympa, mais c'est pas ouf. Ah, c'est pas cher, mais c'est pas ouf, ouais. Ça vaut son... Parce que, ça vaut pas les deux no-fix. Alors du coup, non, mais du coup ça fait 15 épisodes pour 26, mais le format Select n'est pas le format le plus qualitatif de Panini Comics. Non, mais c'est pour ça que j'aurais bien vu soit un, soit deux gros omnibus. Ils sont capables de nous faire Dracula, putain. Sans déconner. Ouais, mais c'est vrai que quand c'est ressorti, t'as Amazon Prime qui t'annonce ça, assure derrière et sort un truc, quoi. Ouais, tu peux capitaliser. Il manquait même des selects, les libraires n'avaient pas de stock, il y en avait qui n'étaient plus disponibles, enfin ils n'avaient rien fait. Bah, il y a eu plusieurs réimpressions, parce que c'est vrai qu'en fait c'est assez fou, parce que donc, la série a très bien marché, hein. C'est vraiment une des séries phares d'Amazon Prime, et c'est la série la plus vue d'Amazon Prime. Oui, c'est vrai. Et ils sont retrouvés avec les réimpressions, et même les réimpressions sont parties en rupture tout de suite, donc en plus il a fallu encore réimprimer les réimpressions, donc ça a très très bien marché. Alors, après ça a marché bon à l'échelle des comics, hein, en France, mais c'était un sacré succès, et c'est vrai que la série a un tel poids sur Amazon Prime qui fait que quand le showrunner de la série a demandé à ce que la saison 2 soit découpée et pas mise en une fois sur la plateforme, parce que c'était une volonté du showrunner, que Amazon Prime a dit oui, alors que les autres séries ou machin, c'est pas le cas. C'est-à-dire je que savais le mec, pas du tout que c'était une volonté de... Ah ouais, moi je pensais que c'était parce qu'il y avait une diffusion télé avec un jeu de partenaire ou un truc comme ça. Ah non, parce que autant c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Netflix, où Netflix, il y a des séries qui sont américaines et qui disent création Netflix qui oui, est mais en faux, fait, c'est... Ouais, ils distribuent juste. Et qui te met en US plus 24 et qui te met une fois par semaine. Et en fait, c'est vraiment c'est parce que c'est d'autres séries, c'est des séries FX ou AMC ou quoi que ce soit. Autant donc Amazon Prime, là c'est vraiment une série Amazon Prime, et en fait c'est le showrunner qui a fait Ah non, j'aime ce côté, enfin je veux garder le côté feuilletonnant de la série télé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été plutôt perdu depuis quelques années, à avoir toutes les séries d'un coup par Netflix, et beaucoup de gens sont habitués à ça, à regarder les séries d'un coup, et vraiment à les binge-watcher. Et du coup, et lui, il voulait garder ce côté feuilletonnant que tu as normalement quand tu regardes ta série toutes les semaines. Donc c'est lui qui a demandé, et du coup Amazon Prime a dit, oui, oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Si tu veux, on donne même du popcorn aux gens. Allez, c'est parti. Donc non, c'est, ça reste la série phare. Et moi, il faut que je me lance. Mais je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, que Spider-Man me dit qu'on peut la regarder sans le comics. Avant, j'écoutais Spider-Man. Ah, oui, peut-être qu'à la saison 3, je vais redire. Oui, il a changé d'avis, de toute façon. Peut-être qu'à la saison 3, je vais encore changer d'avis. On ne sait pas, peut-être. On en reparle l'année prochaine. En exclusivité, pour la rubrique. Et ben du coup, je vais regarder Le Jeu de la Dame parce que ça sera plus facile. Parce que j'ai, il m'a pas dit qu'il fallait lire un livre avant. Mais peut-être qu'il faut peut-être passer par là, je sais pas, faut voir. Il faut lire d'abord l'adaptation en manga du Jeu de la Dame qui a été faite par. j'enchaîne avec ma geekerie. Une geekerie des plus surprenantes parce que je vais vous parler de. The Goon. Donc, je vais vous parler de The Goon par Eric Powell, qui était sorti chez Dark Horse, mais c'est. C'est un comics qui date, hein, parce que c'est un comics qui date de fin des années 90, ou 99, donc c'est vraiment fin des années 90, écrit et dessiné par Eric Powell. Et en fait, j'aime beaucoup Eric Powell, parce que j'avais lu ses séries qui étaient un peu histoire courte. C'est-à-dire que j'avais lu notamment Big Man Plans, que j'avais adoré, Chimichangas, que j'avais adoré. Et The Goon, c'était une série qui est, qui est très longue, parce qu'elle fait, elle fait entre 10 et 15 tomes en France. Je crois qu'il me semble qu'elle est sortie en 13, quelque chose comme ça. Et du coup, autant j'aime ces séries en format 4 chapitres, 6 chapitres, autant du coup 13 tomes ça me faisait un peu peur. Et puis une intégrale est sortie chez Delcourt il y a un mois, quelque chose comme ça, c'était le mois dernier il me semble. Et du coup j'en ai entendu du bien, du moins bien, du très bon, du pas bon, et je me suis dit je suis tombé sur un post de Cédric Comics, qui est notamment dans le chat, qui sur Instagram, qui en faisait un peu l'éloge, et je me suis dit allez, je me lance, c'est parti. Donc, de quoi ça parle, The Goon? The Goon, c'est... Alors, pour faire simple, on est dans une ville proche d'une forêt, et on va suivre les aventures de The Goon, donc le personnage qui s'appelle The Goon, et de Frankie, qui est son meilleur ami. Et c'est une ville qu'est-ce qui se passe dans cette ville? En fait, il y a des guerres de gangs de zombies. Donc, quoi de mieux que pour cette atmosphère? Dont une qui est dirigée par leur rival, donc qui s'appelle le prêtre zombie. Alors, moi, j'ai lu que le début, donc le prêtre zombie, il n'a pas de nom. Il s'appelle le prêtre zombie. Et donc, on suit un peu les aventures de Goon et Frankie dans ce premier tome. Je ne vais pas venir plus parce qu'il y a quand même pas mal un peu de petites découvertes. Et c'est un récit, qui a été pas mal, qui a été plutôt récompensé et plutôt plébiscité. Mais j'ai eu un peu de mal parce que finalement, j'étais un peu surpris par la violence qu'il y a dans le titre au début. En fait, je ne m'attendais pas à cette violence-là. Parce que ce que je l'avais lu de Powell, enfin, des fois, il peut faire des trucs un peu violent, mais il a un dessin si les gens ont lu par exemple Chimichanga, il a un dessin que je trouve qui fait très qui est vraiment l'école des cartoons, moi qui me rappelle vraiment l'école de Jeff Smith avec Bone, cette catégorie d'auteurs vraiment caractérisés comme cartoonistes aux États-Unis, et du coup j'étais agréablement surpris parce que c'est un titre qui est assez sombre et assez assez sombre un peu dans l'histoire, mais en même temps par les dessins qui finalement apportent quand même bizarrement beaucoup de couleurs. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est un titre qui est bourré d'humour en fait, et c'est vraiment ce que j'ai aimé dedans. Ça veut dire que il a fait il apporte une écriture qui est à la fois dans le divertissement, à la fois dans l'action, dans l'aventure. C'est-à-dire qu'on se doute qu'il va y avoir des péripéties, on se doute que la ville qu'il met en place, les alentours qu'il met en place, la foi qu'il met en place, les choses comme ça, qui va forcément un peu développer ça et qu'il y a du potentiel. Et du coup, ça mêle pas mal de genres, mais j'étais vraiment très surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais pas à avoir ce côté humour noir avec des répliques aussi cinglantes en fait dans le titre. Donc c'est un titre que je viens de commencer, donc j'ai lu l'équivalent de un tome et demi à peu près, quelque chose comme ça. Et c'est une très très bonne surprise. Et du coup, bon, c'est un titre qui date maintenant, mais qui par contre ne vieillit pas tant que ça, hein, finalement. C'est-à-dire que elle fonctionne toujours aussi bien. En tout cas, pour moi, elle fonctionne vraiment très bien. Et c'est un peu barré. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment école des cartoons des années 90 aux US. Et c'est-à-dire que les gens qui aiment Powell, c'est vraiment ce que je retrouve dans Smith ou les trucs comme ça. Dans les traits, dans l'histoire, dans les univers, c'était vraiment un bon plaisir. Et voilà quoi, c'est un titre que je conseille au moins de jeter un œil, et je pense d'essayer de par contre aller un peu plus loin, notamment que le premier tome, d'essayer de pousser quand même un peu la lecture, parce que ça se révèle quand même un peu plus riche dans tout ce qu'il met en place un peu sur la suite, je trouve. Donc le premier tome, forcément, il y a un côté peut-être un peu introductif ou un peu aller dans l'efficacité, parce que je pense qu'il fallait aussi convaincre un peu quand il était chez Dark Horse. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le premier tome peut dérouter un peu, mais d'aller un peu plus loin dans l'aventure pour vraiment se faire son avis. Donc voilà. Donc c'était The Goon. Je sais pas si certains d'entre vous ont tenté l'aventure ou non. Absolument pas. Non, moi, je ne connaissais pas du tout, mais c'est hyper intéressant. Par contre, ce que tu dis, je l'ai entendu, ça c'est vrai, qu'il ne faut pas s'arrêter au premier numéro et que notamment le style graphique, son style évolue assez vite pour arriver à ce qu'il fait aujourd'hui, mais qu'au début, c'était vraiment autre chose, quoi. Et que, ouais, ça plus l'histoire qui se cherche un peu au début, il faut un peu pousser, apparemment. Ok. C'est vrai que il y a ce côté où là, enfin, ouais, enfin, pour moi c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de titres qui sont composés de plusieurs tomes. C'est-à-dire que forcément, on a accès à tout, donc on perd aussi parfois le fait que des séries, elles doivent quand même se mettre en place et elles doivent quand même aussi convaincre des éditeurs pour pouvoir continuer notamment. Monsieur Biscuit demande si c'est encore en cours. Alors c'est une série qui est terminée, mais c'est une série qui a été relancée il y a peu par Powell en fait, parce que Powell donc avant il était chez Dark Horse et maintenant a monté son studio qui s'appelle Avatar Press, dans lequel il sort maintenant ses titres à lui, un peu de la même manière que Terry Moore avec Abstract Studio. Et donc du coup il a relancé du coup The Goon en 2019, il me semble. Donc, enfin, chez son en autopublication avec sa maison Avatar Press. Et Vanessa nous demande si c'est des cousins des Goonies. J'ai envie de dire oui. Disons parce oui. Que si, parce qu'on les voit, on les voit quand même pas mal la nuit. Si je leur lance de l'eau dessus, j'ai l'impression qu'il va quand même que le Goon va quand même s'énerver. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même faut quand même l'éloigner de l'eau, par exemple, si tu veux pas te casser la gueule. Ça, c'est les Gremlins, par contre, pas les Goonies. Oh putain. J'ai pas osé lui mettre la honte. Ouais, oh là là. Et bien, figurez-vous que ça ne sera pas coupé au montage. Je te confirme, ce ne sera pas coupé. Ce sont les aléas du direct. Les Goonies, c'était le truc. Mais j'aime pas trop les Goonies, moi je suis pas fan des trucs des années 90 avec les gamins. Je suis pas fan. Par contre, les Gremlins, j'aime bien. Voilà. voilà. Ce sera une belle conclusion à cette intervention. Ah putain, ah je suis con. Bah ouais, mais c'est pas grave. Et je l'assume. Et juste parce que j'ai été un petit peu dissipé, c'est en combien de volumes l'intégrale? Ça sera en 4 volumes. Ouais, mais il y a la première qui est sortie. Ouais. 39,95, c'est ça? Je sais plus. Faut demander à Spider-Mat. Oui, c'est 34. Pour 500 pages, je crois. Papier mat ou glacé? Non, là, ça va trop loin. Écoute, si t'attends 2 secondes, je peux te le dire. Eh ben. Ouh là là. Attends, on va attendre. Alors là, attends. Non, mais j'avoue le dessin, il fait bien envie, tu vois. Mais ouais. Ça fait peur de partir sur un truc comme ça, sans connaître, à 40 balles. Alors. Est-ce que tu es prêt à engager ta probité là-dessus, Dramout? Est-ce que tu es prêt à l'engager? Vraie question. Papier glacé. Putain, c'est. Moi, j'ai eu que le début. Moi, je propose. Allez, on fait venir Cédric Comics. Allez, c'est parti. On l'invite. Il est derrière le rideau. J'ai vu le poste de Cédric Comics. C'est ça qui m'a donné envie. Alors, j'en suis au début. Pour le moment, je suis vraiment hypé. Et après, ça se trouve, après, ça va être nul. Bah, c'est pas grave. Et allez, hein, au lieu de me. Voilà. Mais non, mais on ira ensemble casser la gueule à Cédric Comics. Ensemble. Voilà. Ah oui. C'est une idée. Mais moi, je retrouve ce que j'aime, en fait, dans ce côté cartoon, en fait. C'est vraiment, en plus, pour moi, c'est vraiment de l'humour noir avec des répliques cinglantes, quoi. Donc, c'est pas du. Enfin, tu vois qu'il se fait plaisir pour un lectorat. Un peu plus quand même, enfin, il y avait une certaine maturité parce qu'il y a quand même des sous-entendus dans le texte, etc. Non, mais non, franchement, moi je conseillerais vraiment à tout le monde, pour les gens qui aiment ce style-là, de vraiment se lancer dans The Good. De toute façon, vraiment. Ça pas si, pire, si vous aimez le titre, vas-y. Non, je t'en prie, j'insiste. Ah, non, mais si vous aimez ce genre, pour moi, allez au-delà du tome 1, mais je pense que pour moi ça plaire. Ça peut te plaire. Ça se tente, quoi. Ça se tente à 35 balles quand même. Mais bon, ça se tente. C'est une grosse tentative, quoi. Oui, de toute façon. Pour Delcourt, c'est une grosse tentative. Pour Panini, c'est un petit lundi comme les autres. New Justice, allez. Snyder. Oui, bon. C'est vrai. Puis il faut que je les revende, d'ailleurs. Bah voilà, bah tu vois, tu t'achèteras The Goon. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça peut pas être pire que les Avengers de Aaron que j'ai fini hier soir. Hein. De toute manière, non, mais j'avoue que ça fait quand même bien envie. Je vais peut-être. Non, mais quand t'aimes le genre. Je dis bien peut-être. Quand t'aimes le genre, pour moi, tu peux tenter. Parce que je pense que c'est vraiment partie du. Si t'aimes pas, bah forcément, ça va être une plaie, quoi. T'aimes pas Snyder, t'es allé sur sa Justice League, tu te doutais, ça allait être compliqué, tu vois. Mais ouais, mais j'ai écouté Spider-Man. Qu'est-ce mais que tu veux que je te dise? Moi, ouais. Tu m'as dit je peux essayer, j'ai dit, oh, non, alors là, je m'insurge. Écoutez, Fanny, Donatien, excusez-nous, on va prendre deux minutes pour régler ça. C'est totalement fou. Quelle mauvaise foi. Arrête. Mais il y a des émissions, il y a des replays. C'est une catastrophe. Tu m'as fait du forcing. C'est pas bon. Si. Non. C'est un scandale. Et c'était de la merde. N'ayons pas peur des mots. Pas du tout. Non, c'était pas de la merde. Bon. Et pour répondre très vite à Cédric Comics, sur le chat, il a relancé en fait ce qu'il a appelé une sorte de deuxième saison, volume 1. Qui s'est terminé en fait, enfin, qui y a eu 4 numéros en 2019 aux US. Voilà quoi, c'était pour répondre dans le chat. Pendant que vous vous battiez tous les deux sur Justice League. Ah, il y a un message de Cédric Comics qui me plaît particulièrement. Tu sais quoi, tu le prends et si ça te plaît pas, je te rembourse. Ah alors, je me dis, ça va forcément pas te plaire. Et bien, du coup, on enregistre et ça ne sera pas coupé au montage. J'ai tout lu et j'ai pas aimé. Hein. J'ai lu les 4 tomes et franchement, c'est pas rien. Et en plus, j'ai acheté 10 intégrales tellement j'avais confiance. Donc, du coup, sur cette bonne note de Goonies et Gremlins, là, on coupe tout. On ouvre les oreilles, on garde l'œil attentif, la truffe qui renifle, pour écouter Spider-Man. Spider-Man qui va nous parler de quoi? Qui va nous parler de Shangri-La. et carbone et silicium. Oui. Alors, fais gaffe à toi, Spider-Man, parce qu'en fonction de ce que tu dis, moi, je t'attends à la sortie et je sais pas me battre. Au pire, je te tiendrai ta porte de voiture. Mais je t'attendrai à la sortie quand même. Je tiens à te le dire. Voilà. Et en plus, c'est toi, à la base, qui m'a donné envie d'aller sur ces titres-là, parce que tu adores Mathieu Bablé. Il a mis une petite photo sur la miniature de Mathieu Bablé. Ouais, c'est mignon. Écoute, c'est beau. Il me reste un petit espace. Je dis, allez, je vais mettre sa frimousse à Mathieu Bablé. Ça va plaisir. Et vous remarquerez que j'ai suffisamment fait chier pour l'émission où j'ai parlé, je ne sais pas combien de fois, de Mathieu Bablé, etc. Bah, j'ai parlé de Adresse à Belmort et Shangri-La et ses titres aussi pour le label 619. Et je n'avais pas parlé de carbone et silicium. Et je n'ai pas. Voilà. Je me suis dit, je vais stopper de faire le lobbying et Spider-Man prend la suite. On avait parlé pour une. Ouais, j'avais mis dans les sorties. Ouais, c'est ça. Mmh. Je vais déjà parler de Shangri-La, du coup. Un petit résumé. En fait, donc Shangri-La, c'est un récit qui se déroule donc dans un futur assez éloigné. On n'a pas vraiment de date. La Terre est devenue inhabitable et les humains se sont réfugiés dans une station spatiale où ils mènent une vie confinée et coupée de la lumière solaire. Et il y a la corporation Tianzhu Enterprise qui dirige un peu indirectement la vie de tous les humains et des animoïdes, des espèces anthropomorphes, mi-humains et mi-animaux, des chiens, des chats, et doués de parole. L'intrigue va suivre l'histoire de plusieurs personnages en fait selon leur motivation. Il y en a qui vont vouloir connaître certaines vérités cachées, un groupe de scientifiques qui va essayer de se prendre un peu pour Dieu et créer un homme génétiquement nouveau. Il y en a d'autres qui vont essayer de renverser le pouvoir en place, etc. Et on va surtout suivre en fait le personnage de Scott qui est chargé en fait d'enquêter sur des explosions qui ont lieu dans des stations laboratoires. Un peu à l'écart de la station principale. Et en plus de tout ça, dans une région de la planète, enfin du satellite Titan, Tianzhu Enterprise prévoit de créer à partir de rien, donc vraiment se prendre pour Dieu, une nouvelle espèce d'être humain particulièrement résistant qui s'adapterait à cet environnement. Et donc on se retrouve avec un récit de SF où les chemins de plusieurs personnages en fait vont se couper et se recouper. On a le personnage principal qui d'emblée en fait nous dit qu'en fait c'est pas un héros, il se considère pas comme un héros. Lui, comme il dit lui-même, il veut juste qu'on lui foute la paix. Il a son travail, il est un peu formaté comme tous les autres. Il peut s'acheter des choses avec son salaire et ça lui suffit bien. Ça donne le ton de l'histoire tout de suite. C'est pas une BD qui compte nous faire la morale, ni mais qui constate en fait la société d'aujourd'hui en extrapolant à peine. Après, si c'est un ton pessimiste ou réaliste, chacun le ressentira différemment à sa lecture. C'est un récit que je trouvais hyper bien construit. Ça va pas trop vite, il n'y a pas de temps mort. Mathieu Bablé, c'est vraiment ce qu'il veut nous raconter et il le raconte bien. Il y a plein de thèmes vraiment qui sont abordés. Entre autres, donc il y a les GAFA et la société de consommation, de surconsommation même, ce besoin de tout le temps acheter tout et n'importe quoi, coucou Black Friday, acheter une nouvelle version d'un produit alors que l'ancien est vieux d'à peine un an. Par exemple, il y a une réunion marketing chez c'est à peine dissimulé, et que c'est genre Apple, et qui disent, mais attendez, on ne peut pas sortir la version de notre tablette, la version 7, alors que la version 6, elle n'est pas sortie. Et le mec, il fait, mais si, ça prouve qu'on est tellement dans le futur, en avance, qu'on saute une version, en fait. Et donc, il explique aussi tout le contrôle que ces GAFA ont sur la vie de la station, et parallèlement, notre vie aussi de tous les jours. L'aspect un bon citoyen est un consommateur. Il nous montre aussi un peu par-ci par-là, au détour d'une case, toutes les publicités racoleuses qu'il peut y avoir. En utilisant notamment l'image de la femme. Il y a aussi question du spécisme. À un moment, il y a le discours du personnage de John, un animoïde, donc moitié humain, moitié chien, qui, après une scène assez forte, explique à un autre personnage, donc à Scott, le personnage principal, donc, que l'humanité en fait n'est pas une espèce à part, mais juste plus chanceuse que les autres, alors que toutes les espèces sont exceptionnelles. En fait, la vie est exceptionnelle de base. Et d'ailleurs, ces scientifiques qui veulent créer une nouvelle race d'humains, alors qu'il ferait bien de prendre soin de celle la vie qui existe déjà sur la station, en fait. Il est question des minorités sociales, de la surpopulation, avec des conditions de logement où tous les habitants sont vraiment entassés dans de tout petits appartements. Dans certains cas, ça donne vraiment un sentiment un peu de claustrophobie, je trouve. On a aussi les humains qui ont abandonné toute notion d'éthique quant à la vie elle-même en général. Mais on nous explique que c'est une condition sine qua non de la société de consommation de masse. S'il n'y a pas ça, ben les gens ne peuvent pas avoir les dernières tablettes. Voilà. Voilà, on a plein d'autres thèmes comme le contrôle des masses, par la peur, etc. Et tous ces thèmes en fait, vont être abordés imbriqués parfaitement en toile de fond en fait, dans l'histoire. Et en fait, ça fait vraiment qu'un avec la quête, entre guillemets, la quête de Scott. À aucun moment, un de ces thèmes ne semble avoir été placé de force juste pour en parler. Tout est là, cohérent, et pour donner de l'épaisseur au récit. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette BD. Elle est vraiment très complète, riche. Elle fourmille d'idées. On ressent vraiment plein de choses différentes. On passe vraiment de la joie à la crainte, à la limite aux larmes, d'une case et d'une page à une autre. Et les dessins sont juste magnifiques. Ils sont aussi de Mathieu Bablé. Il fait les deux. Il scénarise et fait les dessins avec des couleurs absolument superbes. Au premier abord, j'avais hésité à aller sur cette BD parce que le style graphique, notamment les proportions des personnages, au début, ça m'avait un peu freiné. Je trouvais ça un peu étrange. Mais au final, hein, ça fait vraiment partie de son style et on accepte. Voilà, au bout de quelques pages, on accepte très bien et après, ça va tout seul. Et je vais dans la foulée parler de Carbone et Silicium, qui est dans le même ton, entre guillemets. Donc Carbone et Silicium, ce sont deux humanoïdes nés dans un cocon protecteur d'une société en 2046. Ce sont les derniers modèles robotiques ayant pour but de protéger et de servir la population humaine. Mais seulement au bout d'un certain temps, vu qu'ils ont une conscience propre, ils s'évadent pour découvrir le monde extérieur et expérimenter par eux-mêmes. Donc ils se séparent, expérimentent chacun la réalité en cherchant un peu leur place, en traversant les âges d'une société et d'une planète qui est soumise aux catastrophes climatiques et aux bouleversements politiques. Là aussi, on a plein de thèmes un peu d'actualité. Hein. On a l'intelligence artificielle, le changement climatique, donc notre rapport au monde en tant qu'humain, la façon dont on vit notre vie, la manière dont on dépense notre temps. On a plein de questions du style, qu'est-ce que ça signifie d'être vivant? Est-ce qu'un robot doté d'une IA, est-ce qu'il peut être plus vivant qu'un être humain? Il y a aussi la question de l'obsolescence programmée. Donc voilà, ça rejoint un peu la société de consommation de Shangri-La. Par exemple, là, donc, il crée les androïdes Carbone et Silicium, et l'une des premières décisions que les PDG veulent, c'est au bout de combien de temps ils cesseront de fonctionner. On leur implante une puce et on va dire qu'au bout de 15 ans, ils s'arrêtent. Un peu comme les imprimantes hein, de nos jours, hein, c'est au bout d'un certain nombre de pages, l'imprimante stoppe, alors qu'elle pourrait fonctionner encore, hein, mais bon, il faut bien faire dépenser des gens et acheter la génération suivante. On a aussi tout ce qui est dérive de la technologie, l'utilisation des robots, on va voir que ça va très vite dégénérer. Au début, c'est une révolution, mais voilà, l'humain va s'en mêler, et quand la technologie va se démocratiser, ça va partir en vrille. Au fil des décennies qui passent, on va voir aussi la fuite de plus en plus grande des humains vers la réalité, vers le virtuel, la réalité devenant trop dure à affronter. Et donc, en plus de tout ça, donc on a la relation entre Carbone et Silicium, qui est compliquée mais touchante à la fois. Leur rapport au monde, en fait, est totalement différent. Ces deux IA, elles ont été créées en même temps, mais de par leurs expériences, ils vont traverser les décennies, mais en ayant vraiment deux visions et deux envies différentes dans ce monde. Et là encore, le ton est soit pessimiste, soit réaliste selon les lecteurs. Et les différentes époques défilent assez rapidement. Ça saute vraiment de 10 à 20 ans dans le futur, des fois un peu plus, mais en une dizaine de pages à peu près. du coup, on a de plus en plus envie en fait, de voir en quoi va se transformer le monde par la suite et en quoi il va évoluer. Et là aussi, bon, les dessins sont magnifiques. C'est dans la même veine que Shangri-La. Et on a une belle représentation, j'ai trouvé, du réseau où carbone et silicium échangent régulièrement. Parce qu'ils expliquent que avec en temps humain de se dire que quelques phrases, eux ils s'échangent en quelques millisecondes des téraoctets d'infos, et c'est l'équivalent de plusieurs vies humaines en une seule phrase. Et j'ai trouvé que c'était super bien représenté. Donc voilà, deux grosses œuvres. J'ai vraiment pris une grosse claque, je les ai lues quasiment l'un à la suite de l'autre. Et ouais, une vraie belle découverte. Et j'ai envie de dire, Dramout avait raison. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit avant de laisser sans doute la parole, parce que ce qui est marquant moi dans ces œuvres, moi Shangri-La m'a beaucoup plus bouleversé que dans notamment dans le discours que Carbone et Silicium, même si j'adore Carbone et Silicium, c'est que Bablé apporte une approche avec son idéologie et ses idées, etc. Ça et ce qui est très bien, c'est-à-dire que Il a sa façon de penser, son courant de pensée et ses idées, et il les défend. Mais ses titres, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il arrive en plus à véhiculer son idéologie sans avoir le sentiment de nous forcer à devoir forcément la partager ou de devoir la subir. C'est pas forcément le terme que j'aime le plus, mais là j'arrive pas à trouver un autre mot pour m'exprimer. Et c'est à dire que la lecture, qu'on soit d'accord ou non, il y a quand même une claque en fait qui est mise. Bon, moi graphiquement et surtout en termes de colo, c'est un auteur que j'adore, mais c'est un mec qui dessine les architectures comme personne. Il est réputé pour ça, et je vous invite à voir ne serait-ce que les affiches qu'il a fait pour les Utopiales, que les prints qu'il a fait pour certains événements. Mais c'est ça que j'aime surtout, c'est que moi j'ai pris une grosse claque à la lecture. Il y a eu des moments qui m'ont vraiment serré le cœur, et malgré le fait que, comment dire, que il y a forcément toute son idéologie, c'est une idéologie qu'il défend et qui aussi que je trouve positive, mais je me sens pas forcé de devoir penser pareil, et je ne me sens pas forcé de devoir forcément adhérer à ce que lui pense. Et c'est-à-dire que je peux lire le titre en me faisant aussi ma propre idée, en ayant des éléments pour me faire mon propre opinion et ne pas forcément le partager le même que l'auteur. Et c'est ça aussi que je trouve très fort dans son écriture. Alors, je suis un fervent défenseur de Shangri-La et de Carbone et Silicium, etc. J'ai beaucoup aimé. Les titres ne plairont pas à tout le monde. Je connais aussi des gens qui n'ont pas aimé Shangri-La et qui n'ont pas pris cette claque que moi je me suis prise, et qui n'ont pas pris de claque dans Carbone et Silicium. Parce que moi, ce qui m'a vachement plu aussi dans Carbone et Silicium, c'est vraiment cette approche d'une relation amoureuse et d'un amour entre deux intelligences artificielles. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, J'avais pas voulu en parler dans la rubrique geek, c'est que il y a des lectures qui des fois nous font vivre des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, qu'on a envie de garder pour soi. Et Carbone et Silicium, moi, fait partie aussi un peu de ces titres-là, sans que ce soit pour moi le meilleur titre que j'ai jamais lu ou que ce soit mon meilleur titre de l'année, parce que j'ai lu vraiment des meilleures choses même cette année. Il fait partie par contre de ces auteurs qui me fait toujours vivre quelque chose à la lecture, même si le titre ne va pas rentrer dans mon panthère ou quoi. Il y a quelque chose que je ressens lors de la lecture, et il y a aussi du coup cette part personnelle quand je lis, et c'est aussi pour ça que ça me plaît d'autant plus de t'entendre en parler, c'est que il y a quelque chose qui se vit et qui se transmet, et c'est aussi ça que j'aime dans ces titres, de voir que chacun fait son expérience. Et en réalité, je vannais avec le discours que si t'aimes pas, je te déshérite, mais bon, on n'est pas de la même famille, donc juste tuer ta famille, mais ça, c'est un autre débat. C'est qu'en vrai, si tu n'avais pas aimé, en fait, j'aurais eu ce côté où, enfin, j'aurais pas mal pris, ou j'aurais pas été triste ou machin. Et des fois, s'il y a des titres, si tu n'aimes pas, je me dis, ah putain, il n'aime pas. Mais là, ça ne m'aurait pas forcément dérangé, parce que je peux comprendre que ce soit quelque chose qui n'y aille pas et qui ne se transmette pas. et qui n'ait pas cette expérience de lecture. Et vraiment, je pense qu'il y a des auteurs, s'il n'y a pas l'expérience de lecture, il n'y a pas la même appréciation. Et du coup, Bablé, pour moi, fait partie de ces auteurs. Et c'est aussi pour ça que c'est pour moi ce qui me tient à cœur et que je le défends, c'est parce que j'ai cette expérience de lecture. Et les gens qui ne l'ont pas, bah, forcément, ils vont dire « Mais le mec, il nous encense le truc, il me casse les couilles, c'est de la merde. » Bah, je peux comprendre, parce que si, pour moi, s'ils n'ont pas cette expérience, qu'ils subissent le truc, qu'ils subissent le propos, bah forcément, ça va être une lecture qui peut être une vraie plaie pour eux. Je vais me couper un peu, parce que si on me lance sur Bablé, moi, je vous fais une thèse, et puis je fais une démission et je pars sur un doctorat. Donc, je vais plutôt vous demander à vous deux, notamment bah, Fanny et Donatien, est-ce que vous avez déjà lu, que ce soit Shangri-La ou Carbone et Silicium? Alors moi, je vais commencer parce que je sais que Fanny les a lus et moi non. Mais j'ai prévu de le lire parce que d'une, on en a déjà beaucoup parlé. Et Fanny, on en a reparlé récemment en plus de Carbone et Silicium, donc j'ai encore plus envie. Et en plus, j'ai découvert aujourd'hui que Shangri-La, je l'avais dans ma bibliothèque parce qu'un de mes colocataires l'a en fait. Et je ne le savais pas. Donc maintenant, je n'ai même plus d'excuses. Donc je vais le lire, je pense, ce week-end. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Fanny. Oui, alors je n'ai pas lu Shangri-La, j'avais lu Adrasté par contre, de Mathieu Bablé, que j'avais beaucoup aimé, mais qui me semblait moins ambitieux peut-être que Carbone et Silicium. Dans le discours, le discours n'est pas du tout... Oui, visuellement, visuellement, ça m'a mis une énorme claque. Ah. C'est sublime, enfin magnifique. Mais en effet, dans le propos, c'était très bien, mais pas au niveau de l'énorme claque que j'ai pris avec Carbone et Silicium. Alors, c'est rigolo parce que je l'ai acheté la veille du deuxième confinement, le même jour que Stardew Valley, c'est drôle. Parce que j'étais en mode panique, il faut que j'achète des trucs pour m'occuper. Enfin, bref, classique feed quoi. Et on me l'avait conseillé, d'ailleurs encore merci Arthur si tu m'écoutes parce que super recommandation. C'est un peu comme tu disais, Dramoud, j'ai une expérience de lecture tellement incroyable que c'est un peu compliqué de le ressortir correctement. J'ai l'impression que c'est indescriptible parce que c'est juste tellement d'émotions et c'est tellement beau et moi ça m'a vraiment vraiment vraiment beaucoup touchée. Pour le coup, le message me parlait beaucoup, toutes les questions de transhumanisme ça m'intéresse pas mal, tout le discours autour de l'ego aussi, le côté un peu intemporel et contemplatif, et c'est enfin voilà, j'ai du mal à trouver les mots parce que voilà, ça m'a fait vivre tellement de choses et c'est, comme tu disais, assez personnel, mais magnifique, c'est un vrai chef-d'œuvre. Moi, je martèle à tout le monde de se lancer, et c'est la bonne période pour ça. Je dis à tout le monde, non mais super cadeau de Noël, les gars, allez-y. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'idée de vous raconter ce truc. Donc, je suis passée sur un autre podcast qui s'appelle First Print pour parler de Carbone et Silicium, et donc c'est sorti hier. Bon, soit cool, hein, vous me dites super anecdote, les gars, parfait. Voilà. Mais sauf que, en fait, Mathieu Bablé himself a retweeté le podcast en question en disant que c'était une super review. Je l'ai vu ce matin, j'ai cru que j'allais me mettre à chialer. J'ai pris une capture écran, je l'ai envoyé à tous ceux qui étaient susceptibles d'être intéressés et ceux qui étaient moins susceptibles d'être intéressés, mais je pense qu'il y en a plus. Genre, moi je l'ai eu, je savais pas qui c'était, mais j'étais content pour toi en tout cas. Mais j'étais trop content. J'étais tellement content, donc je lui ai envoyé un cool ta vie, va faire des pancakes s'il te plaît. Ah oui, non mais... J'admire tellement en fait son travail que j'étais hyper. Pour moi, c'est une star, ce mec, quoi. Donc, c'est trop cool. C'est aussi une des raisons de pourquoi c'est aussi dur de conseiller. C'est qu'aujourd'hui, il y a une... Et moi, je le ressens en plus pour suivre Bablé depuis des années. Il y a vraiment une effervescence maintenant depuis quelques temps sur le travail de Bablé. Et il y a un peu une forme un peu sectaire qui se fait, entre guillemets, genre en mode « Oh les gars !» Et on est tous en train de se pougner la nouille sur Bablé. et moi le premier. Il est pas prêt de retweeter coup... là, hein, je te le dis tout de suite. Et donc du coup c'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup c'est un auteur qui a énormément d'éloges par des gens qui aiment son travail, qui a énormément de propos qui sont vraiment très comment dire, c'est vraiment des superlatifs. Et donc forcément, en plus, pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas cette expérience, en plus ça leur semble un peu démesuré et ça leur semble d'être de très loin de ce qu'ils peuvent avoir vécu ou de ce qu'ils ressentent dans la lecture. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je trouve que c'est très dur et que j'en parle beaucoup, mais je ne te conseille pas forcément parce que je me dis, ce que j'ai vécu, personne ne va forcément le vivre de la même manière et je ne peux pas garantir que les gens vont le vivre également. Et c'est très particulier. Et pour moi, pour déjà avoir, par exemple, beaucoup parlé avec Aurélien qui vient souvent sur le chat, je te fais des bisous, Aurélien, c'est que je sais que lui, par exemple, il n'a pas du tout aimé Shangri-La, mais il est resté vraiment de marbre. Et pourtant, on a bon nombre de lectures et de goûts en commun. Et pourtant, bah voilà, c'est qu'il y a sur beaucoup d'autres titres, et même dans le même domaine, même dans le même genre, on a beaucoup de goûts qui se recroisent. Et pourtant, il est resté de marbre. Parce que je pense que c'est vraiment ce même phénomène. C'est que si tu n'as pas cette expérience, tu dis, putain, mais les gens, je ne comprends pas ce qu'ils trouvent. Oh putain, mais je ne comprends pas ce qu'il a trouvé de spécial au titre ou quoi que ce soit. Et c'est très... C'est pour ça que c'est très spécial de vraiment... Enfin, pour moi, de vraiment... conseiller à quelqu'un cet auteur ou quoi, parce que moi ça fonctionne vraiment par expérience. Si je reprends l'exemple de The Goon tout à l'heure, je vais dire, mais t'aimes les cartoons des années 90, t'aimes l'humour noir, bah fonce, y a de grandes chances que tu kiffes. T'aimes tel auteur, fonce, il y a des chances que tu kiffes. Et bah pour moi c'est pas le cas, je peux pas le dire de cette manière là et je ne peux pas le conseiller de cette manière là. C'est dans lequel des deux qu'il y a des hommes à moitié chiens ? Non, Shangri-La. Parce qu'il y avait une question sur le chat pour savoir s'ils arrivent à se lécher les couilles, mais j'ai pas voulu la prendre tout de suite. J'ai senti que c'était pas dans l'ambiance, donc j'ai pas voulu, tu vois. Je me suis dit, tu vas attendre la fin, là, pour la placer, celle-là. Voilà, c'est tout. Non, mais bon, je te pose quand même la question, mon petit G, quand même, parce que comme t'as posé la question aussi, s'ils se léchaient les couilles... Je vais pas te demander si tu te lâches les couilles, je vais te demander si t'as déjà lu du Babelé, tu vois. Bah, par manque de souplesse, j'ai envie de te dire. On est tous victimes de nos côtes, hein. A priori, si on a trop de côtes, on peut pas y arriver. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Non, j'ai jamais lu. Et je l'ai vu passer, alors je sais plus lequel c'est que j'ai vu passer entre mes mains, que j'ai juste feuilleté. C'est lequel, le dernier que t'as lu ? Ouais, bah c'est lui, tu vois, j'ai regardé et c'est vrai que les dessins de prime abord ne m'ont pas vraiment tenté. Après, quand tu regardes le prix, c'est quand même toi, tu te dis, bon, 20 balles pour aller tenter Shangri-La, je pense que ça vaut le coup, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est pas déconnant. 20 balles, ça va. Je pensais vraiment aux gens j'ai vu Carbone et Silicium, c'est quand même un pavé, hein, 277 pages. Moi, clairement, j'ai attendu d'avoir un peu de thunes pour l'acheter, et quand je suis passée à la caisse, ah, mais c'est 22,90. Oh, bah, ça va. Non, mais je trouve que le rapport qualité-prix, non, c'est franchement... Vrai. Avec le dos toilé et tout, en plus. Ah ouais, c'est un bel objet. Hein. Ouais. Et ouais, du coup, il est imprimé où ? Je sais pas où il est imprimé, mais par contre, on est sur vraiment du... Déjà, on est sur du très grand format. Oui. On est sur du format 24-32. C'est des planches, donc c'est des très très grandes planches. T'as quasiment 300 pages dans Carbone et Silicium, t'as 300 pages avec les bonus, la postface de Domasio, etc. Et juste ouvrez. Alors c'est vrai que les dessins des personnages, bah oui, c'est pas pourquoi il est connu. Babelé est vraiment connu pour la colo et l'architecture. Et juste regardez, feuilletez vraiment l'ensemble, restez pas sur quelques pages, regardez toutes les nuances de couleurs qu'il met. Parce qu'il va y avoir des pages qui sont très sombres, des pages très jaunes, des pages très, très couleur chaude, très couleur froide, etc. Regardez tout ça. Et si vous ne prenez pas une claque par le dessin, enfin voilà quoi. Et je trouve on ne sait pas quoi faire de vous, quoi. C'est... Ouais. Je trouve que c'est vraiment, en termes d'objets, c'est des très beaux objets qui sont faits, dos toilé, grand format, 24-32, 270 pages, 23 balles, c'est réglo, je trouve. On dit toujours que la BD franco-belge est plus chère que les comics, mais là, pour le coup... Ben, ah non, là, franchement, ça s'applique pas. Hein. Ouais, super boulot de la belle C-119, hein, franchement. Ouais. Comme très souvent, sincèrement. Comme très souvent. C'est ouais. vraiment un sacré truc. Et putain, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pas tellement les dessins. Dans un comics, une bande dessinée, les dessins, ça a son importance, mais c'est plutôt l'histoire, la manière dont elle va être racontée et les thèmes qui vont être abordés qui vont beaucoup plus me tenter. Et là, dans, de la manière dont vous l'avez dépeint, bah, tous les trois, il y a quand même des thèmes. Voilà, qui m'intéresse quand même énormément et sur lesquels j'ai vraiment envie de me laisser tenter. Après, bon, c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai dit il y a 10 minutes « Oui, tiens, bon, allez, je vais tenter The Goon l'intégrale, mais je n'ai aucune race avec mes achats. » Donc, on verra. Figure-toi que si tu tentes l'un des deux et que tu n'es pas satisfait, Cédric Comics te rembourse. Ah, ça va alors. Donc du coup, il s'y engage. Laisse-toi, allez, c'est parti. Non, mais voilà. Non, mais Shangri-La à 20 balles, j'ai envie de le tenter. Moi, je dis à tout le monde, c'est mettre façon, dans de Noël, quoi. Allez-y, quoi. Ouais. C'est meilleur cadeau. Mais même, et Carbon et Silicium, de toute façon, il est à 22 de mémoire. Ou... 22, 23, un truc comme ça. 22,90. Ouais, donc il a 23 balles. Mais j'aimerais bien savoir où c'est imprimé. Vraiment. Parce que, alors, c'est vraiment purement à titre de renseignement, hein, parce que, tu vois, le dernier Deluxe que j'ai acheté, là, du côté de chez Panini, je regarde toujours où c'est imprimé, et j'ai remarqué que c'est la première fois que les Deluxe étaient imprimés en Inde. On a eu des omnibus imprimés en Inde, mais c'est la première fois que moi, je voyais un Deluxe imprimé en Inde. Et ça m'a fait rire parce que, alors j'ai rien contre l'Inde, hein, évidemment, tu t'en doutes, j'ai pas que ça foutre de mes journées, mais je me dis, putain, les mecs, il y a quelques mois de ça, ils se fondaient d'un joli post sur Facebook. C'est en Italie que c'est imprimé. Italie, ouais. Ah, tu vois, bon, ça reste au moins des gens en Europe, quoi. Et ils se fondaient d'un joli post, l'écologie, le papier, tout ça, puis tu fais tes bouquins en Inde, putain, mec. Et là, tu te dis, bon, moins de 20 balles et c'est imprimé en Italie. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est vraiment... je suis impressionné. Bravo. Voilà, c'est tout. Bon, oh, est-ce que... Bon, allez, je continue sur Mathieu Babé. Allez, je vous prends 30 minutes. On enchaîne. non, mais on va changer complètement d'univers. Parce que du coup, Fanny, tu vas nous parler de fables. Encore. Est-ce qu'on fait... Ah mais attends, tout de suite tu fais référence à la vidéo de la semaine dernière sur Fab. Mais là ce qu'elle te dit pas c'est qu'en fait c'est le jeu vidéo. Et bam, surprise. Bon, on va lancer la vidéo. Malheureusement j'y ai pas joué. Mais il avait l'air cool ceci dit. Ouais. Oui, non, j'avais envie de parler de Fab au-delà du fait que en effet j'ai fait une vidéo là-dessus. La semaine dernière. J'ai fait un peu la connerie habituelle. Je me suis dit, oui, bon, je vais quand même me remettre un peu le truc en tête avant d'écrire la vidéo. Je m'en souviens bien, mais c'est toujours bien de lire 2-3 tomes hein, avant de s'y remettre. Et puis voilà. Puis j'écris la vidéo. Hein, j'ai lu tous les tomes, quoi. alors moi j'ai l'édition où ça fait 23 tomes. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc j'ai lu les 23 tomes, mais en si peu de temps, je vais pas regarder. Attends. Définis-nous le si peu de temps. 3 heures. Je rappelle qu'il y a 35 minutes, tu disais oui, j'aime bien prendre le temps. Je me décrédibilise beaucoup. Oui, mais déjà là, elle mentait à ce moment-là. Vous attendez pour comparer du coup à l'exemple de Donation. Ouais, du coup, j'ai regardé 3 saisons en 3 jours. Hein, j'ai pris le temps, les gars. Non, mais oh, bah, du coup, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, 2-3 semaines. 2 semaines. Ouais. Oh, ça va, ça te fait un par jour. Ouais, c'était ça en gros. En moyenne, allez, c'est réglo. Bah franchement, oui, ça oui, va. Oui, c'est très réglo. Sachant que pendant 2 semaines, t'as pas lu parce que t'avais une conjonctivite. Franchement, ça réglo. Non, le truc en plus, c'est que je lisais autre chose à côté. C'est ça qui est. J'ai beaucoup lu. Mais bref. Saison d'une série en même temps. Pardon. Excuse-moi. Du coup, au-delà de oui, bon voilà, l'instant promo, j'ai fait une vidéo là-dessus, cool. Mais en vrai, je me suis vraiment surprise à mais rebouffer le truc, alors que bon, j'ai déjà lu tout ça, 23 tomes, c'est quand même pas rien. Faut déjà y aller, et en fait, une fois que tu commences, c'est terrible, quoi. T'es dedans, moi je suis à fond, et du coup, ça m'a vraiment complètement happé cet univers à nouveau, et donc j'avais envie d'en parler, parce que je trouve que finalement. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, parce qu'en dehors du groupe assez fermé, hein, des fans de comics, finalement, c'est pas le truc qui est très très connu. Et je me dis justement, c'est ce genre de titre qui va plaire à des gens qui ne vont pas forcément lire des comics habituellement, qui vont pas être ceux qui vont acheter leur Batman mensuel, au contraire, hein, ça va être plutôt les acheteurs très ponctuels. Et du coup, avec en plus les éditions intégrales, c'est quand même plus abordable de dire « Oui, bon, il y a 10 tomes, c'est déjà pas mal. » Plutôt que quand je disais « Oui, bah, il y a 23 tomes, ok. » Je me faisais envoyer chier mais direct, hein, avec mes 23 tomes, hein, ça c'est sûr. Là, 10 tomes, c'est déjà un peu plus vendable. Mais c'est vrai que ouais, moi, je suis complètement retombée dans cet univers qui est très cool. Résumer l'histoire encore une fois assez rapidement parce que c'est un univers assez vaste, mais l'idée c'est que on a tous les personnages de contes de fées au sens très large, on a évidemment Blanche-Neige, le grand méchant loup, les trois petits cochons, etc. Mais ça va un peu plus loin, il y a plusieurs univers imaginaires. À des moments, il y a Mowgli, enfin voilà, ça élargit pas mal quand même le spectre de ce que c'est qu'un conte de fées. Mais ces personnages-là qui vivaient dans des mondes très différents, hein, qui ont vécu leurs aventures finalement presque comme celles qu'on connaît, presque, qui se retrouvent chassés de leur monde respectif par un empereur, hein, qui s'appelle l'adversaire, assez mystérieux, qui en fait va conquérir monde après monde pour faire un empire gigantesque. Et donc ces fables-là sont finalement les rescapés, hein, parce que voilà, c'est une guerre assez sanglante, de leur monde respectif, et se retrouvent au cœur de New York, cachés aux yeux des humains, dans un petit quartier à Manhattan, qui s'appelle Fableville. Et grâce à des sortilèges des sorcières restantes, les communs ne les voient pas. Et ceux qui ne ressemblent pas à des êtres humains, parce que bon, j'ai mentionné les petits cochons, il y a aussi les lions, les singes volants et compagnie, quoi, tous les animaux qui parlent, il y en a un paquet. Eux, malheureusement, hein, ils n'ont pas le droit de vivre à Fableville, ils sont un peu exilés dans leur coin, dans la ferme, hein, donc. Bon, c'est pas tout rose. L'univers est quand même assez. Il y a plein d'intrigues politiques et tout ça. Et puis, y a toujours cet adversaire au début qui est une ombre un peu lointaine. Et puis, au final, ils en parlent de plus en plus parce que le plan, ça a toujours été de revenir en fait. Le plan, c'était de s'exiler, de se regrouper et puis de. Un jour revenir. Donc voilà, c'est assez marrant. Parce que il y a des trucs très décalés, hein, des histoires qui paraissent très lisses ne sont en fait pas du tout ça. J'ai bien aimé, je fais la blague dans ma vidéo, mais le Pinocchio qui après tous ces siècles dans un corps de gamin est complètement frustré parce qu'il peut pas baiser en fait. Voilà. C'est un ton assez décalé, les contes de fées en prennent un coup, mais tant mieux, parce que du coup, ils prennent une ampleur assez énorme. Et donc, c'est une très grande histoire, hein, évidemment, avec tous ces tomes, sachant qu'il y a en plus des spin-offs, que j'ai pas lu, ou très peu, que j'ai pas trop lu, pour le coup, mais c'était déjà pas mal l'histoire principale. Mais du coup, là, maintenant, évidemment, j'ai envie de m'y mettre, ça n'a pas de fin. Mais il y a eu beaucoup de spin-offs, donc du coup, qui sont sortis en tome simple à l'époque. Il me semble que toutes ces histoires un peu spin-off ont été réintroduites dans le format intégral, non ? Je ne sais pas du tout, parce que du coup, c'est pas du tout cette édition que j'ai, donc je saurais pas dire, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai entendu ça aussi, en fait. Ça a été intégré dans les intégrales. Parce que Jack Fable, il y a quand même plusieurs tomes, ça me paraît surprenant. Sauf ça, ouais. Ça, c'est deux tomes à part pour l'instant, mais... Aussi. Ah non, ça a été... c'est séparément, ça. Ils viennent de le sortir séparément. Ça, c'est séparé, c'est l'adaptation du jeu vidéo. En deux tomes. Ah bah oui, je pensais que tu disais que c'était intégré dans les intégrales. Non, non. Mais The Wolf Among Us, de toute façon, en fait, ils ont sorti ça dans, en mettant le truc Fable, etc. Mais finalement, c'est vraiment en lien avec le... Enfin, c'est en lien avec le jeu vidéo, donc je sais pas si c'est vraiment... Si ça a vraiment été écrit avec le but d'être en lien avec si, avec c'est un préquel. Si, c'est un préquel. Ah, après, ça... Enfin, tu peux parfaitement lire les trucs de manière séparée, ça n'a pas spécialement de lien, mais par contre, c'est le même principe, quoi. Le Big B, donc le grand méchant loup. D'ailleurs, je viens seulement de piger le jeu de mots. Et quand même, je l'ai lu depuis longtemps, mais Big B, c'est Big Bad Wolf. Big B, voilà. Bref. Ben ouais, non, mais j'ai eu un moment de... Ah Bref. Et donc Big B, ce qui pourrait se passer, on va dire, 20 ans avant le début de l'histoire principale de Fable. Il est déjà shérif et compagnie, juste là, ça se concentre sur ce que lui fait uniquement, et c'est une de ses enquêtes. Mais en soi, oui, c'est un préquel, ça fonctionne. Et ma femme a adoré. Ah ouais, ouais, c'est cool. Ça, je ne l'ai pas lu, du coup, ça c'est elle qui l'a lu, elle a surkiffé. Mais il n'y a bien que les numéros de Fable, il n'y a pas les Fairways dans les intégrales. Ça paraissait compliqué. Mais d'ailleurs, c'est vrai que quelque part, ça aurait été logique parce qu'en relisant, là, je me disais, ah bah oui, là, c'est le moment où je me suis dit, mais il y a un personnage qui dévie de chemin, je ne vais pas spoiler, bref, qui va dans son coin, en gros. Je me suis dit, ah bah, c'est vrai qu'on n'a pas reparlé de ce personnage-là. Et puis, à un moment donné, mais hyper longtemps après, genre 4 tomes après, ils nous disent, ah bah oui, t'as un genre de petite intro d'une aventure, ah bah oui, en fait il se passe ça et après c'est fini, et à la toute fin le personnage redébarque mais tu sais pas trop, et je me dis, ah bah c'est vrai que l'intégrer à cet endroit là c'est pas idiot, parce que ça fait un peu bizarre, quoi, finalement. Mais bah justement, parce que dans les intégrales, visiblement, ils ont remanié les numéros VO. Par exemple, dans l'intégrale numéro 5, il y a les numéros 59, ensuite ça passe directement au 64. Et après 70 à 82. Je sais pas si dans la version 23 tomes ça suit vraiment dans l'ordre chronologique. En fait, j'ai pas vérifié les numéros, mais c'est vrai qu'à des moments je me suis dit, ah attends, ce numéro normalement il va après. Bah, ils ont peut-être justement refait l'ordre chronologique. Ouais, ils ont dû retravailler ça, parce que ouais, sur la fin notamment, parce que t'as plusieurs chapitres qui sont indépendants pour en gros boucler d'accord. Toutes les histoires, parce qu'il y a beaucoup d'histoires très différentes dans Fable, c'est un univers assez vaste. Ils font la dernière histoire de un tel, la dernière histoire de un tel. Et en fait, des fois, j'ai lu il y a deux jours, là. Je me suis dit, eh ben ouais, la dernière histoire de machin, ça contredit la dernière histoire de truc qui était avant. Normalement, ils auraient dû échanger, ça aurait été vachement plus logique. Donc, je pense que c'est bien qu'ils l'aient pas mis dans l'ordre pour certaines choses. Ça doit être ça. Oui, ouais, c'est ça, parce que par exemple, quand on prend l'intégrale 9 là, qui est sortie en juin de cette année, ils reprennent par exemple les tomes 20 et 21 de la série normale, et par exemple le tome 22, ils prennent qu'une petite partie en fait. Donc ouais, ils ont vraiment tout retrié les numéros. Je crois que je jette un coup d'œil à ces éditions, parce que j'ai l'impression que c'est du beau boulot quand même, c'est cool, faudrait que j'aille voir. Non, elles sont bien, elles sont vraiment, vraiment sympas. Moi j'ai juste décroché et du coup j'ai arrêté de les acheter, je crois que j'ai acheté jusqu'au tome 5. Et parce que ma femme continue à les bouquiner, mais c'est vrai qu'on n'en a pas racheté depuis un moment. Bah, acheter New Justice à la place. Ouais, super. je vais pas lui vendre comme ça, hein, du coup. Et moi, c'est la révélation de l'adversaire, tu vois, qui m'a mis un coup. Je m'attendais à mieux. Moi, à l'époque, j'étais mais sur le cul, quoi. Ah, j'étais sur le cul, hein. Mais, dans le bon sens, quoi. Dans le bon sens, je trouve ça très surprenant. Ah ouais, mais dans le bon sens, ouais. Mais je sais pas, je m'imaginais un truc... Bref, ouais, ça sert à rien aussi, ouais. De dévoiler des trucs. Mais, oui, ouais. Mais surprenant, effectivement. Mais je crois que je suis le seul qui n'a pas adhéré à ce truc-là. Mais bon, ouais. Parce que c'est un titre qui marche quand même plutôt bien. sur notamment sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est un site qui est quand même vachement plébiscité. Je m'étais un peu lancé au départ, ça m'avait quand même plutôt accroché, mais j'ai pas je suis pas allé plus loin. Bon, après, en même temps, il y avait quand je voyais aussi le budget qui allait arriver, et c'est un peu ça qui m'effrayait, parce que aujourd'hui, donc là, les 10 intégrales sont sorties. Donc il y a 10, enfin la 10e est sortie il y a 2 mois ou un truc comme ça. Ouais. Donc qui est marqué donc avec le tampon fin de série. Comme le dit Cédric Comics, il y a les intégrales Jack of Fabs qui commencent à sortir. Du coup, il vient de donner l'info dans le chat. Ça fait quand même 10 fois 28 euros, même si les prix Urban, enfin, vaut le coup, mais ça fait un sacré budget pour suivre. Et donc, du coup, tu montes vite à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Du coup. Ouais. Et il y a, enfin, moi, ça, en tout cas, ça fait. Enfin, il y a cette peur d'être déçu si j'ai pas tant accroché que ça dès le départ. Enfin, même si j'aime beaucoup le début, mais pas non plus extravagant. Cette peur de me dire, putain, je commence à investir pour finalement. Pour ne peut-être pas avoir ce truc qui m'initie complètement dans le voyage, quoi. Donc c'est ce côté financier, c'est ça qui m'effraie finalement un peu, parce que ouais, putain, ça fait 10 intégrales, quoi, ce qui est pas énorme, mais ce qui montre aussi la richesse de l'univers des auteurs, quoi. Et de après, tout ce qu'ils ont mis en place. Ce qui est cool dans ces histoires, c'est que t'as plein de styles différents, en fait. Parce que t'as beaucoup de personnages, hein, genre beaucoup beaucoup. Du coup, selon les personnages, bah t'as pas le même ton, quoi. Tu vois, genre par exemple, si tu connais The Wolf Among Us, où tu vois que c'est donc Bigby, le shérif, qui est, du coup c'est une enquête policière, c'est assez sombre et compagnie. Mais quand t'as les aventures des animaux à la ferme, par exemple, t'as rien à voir en termes de ton. T'as beaucoup de flashbacks aussi. Quand c'est Pinocchio, franchement, on se barre. Enfin, voilà, c'est. T'as un peu tout, ce qui fait que. Moi, je trouve ça hyper, hyper enrichissant. Tu découvres des tas de styles et du coup, c'est. Bah, ça maintient toujours ton intérêt et du coup, je trouve ça peut-être un peu plus difficile d'être déçu parce que c'est tellement différent selon les chapitres que. Y en a pour tous les goûts, quoi, finalement. Je sais pas si toi tu l'as lu, Donatien, ou elle a forcément forcé à lire, même si t'avais pas envie, t'as forcé. Alors pas encore, mais on est déconfiné quoi mardi. Donc Fanny, mardi, tu peux venir avec les 23 tomes, s'il te plaît. C'est prévu, hein, j'ai déjà réclamé quand elle a sorti sa vidéo, vous inquiétez pas. Mais j'ai très envie de le lire, oui. Ouais, putain, les 23 tomes d'un coup, ouais. Non, pas les 23 tomes d'un coup, mais. Je vais être présent très bientôt et les lire rapidement, ouais. Ah, tout de suite, tu dis d'un coup. Non, mais on te laisse quand même une semaine. Enfin, on n'est pas des tyrans non plus, faut pas déconner, quoi. C'est fou, ouais. Ça. Non, mais c'est parce que rien que de déplacer les 23 tomes de ma bibliothèque, que le bureau où je tournais, la vache, mon dos en a pris un coup, quoi. Mais en fait, c'est. À partir du moment où tu enlèves les 23 tomes de ta bibliothèque, bon, déjà, t'as plus rien dans ta bibliothèque. Oula, non, t'as pas vu sa bibliothèque. Non, mais 23 tomes, ça te prend une étagère, quoi, tu vois. Ah non, même pas. Non, voilà, donc. C'est une case. On n'a peut-être pas les mêmes cases alors. Moi, mes cases, elles font pas la longueur 23 tomes. Non, mais c'est une des petites. Case, les 23 tomes de Fable, ils sont petits. Oui, c'était petit. Ils sont petits, c'est vrai. Mais... ça va. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, ça fait 10 beaux intégrales, par contre, il faut reconnaître. Ouais. Non, mais après, voilà. Quoi. Moi, j'ai compris assez rapidement l'importance d'investir dans plusieurs bibliothèques très solides et de qualité. Voilà, c'est tout. Si je veux tenir le rythme, il faudra une petite valise à roulette aussi pour transporter les 23 tomes ouais, chez clairement. Donatien. Oh. Oui, non, mais ça va aller. On n'habite pas loin, donc je ferai des allers-retours selon son rythme de lecture. Oui, je vais en chercher aussi. Très bien. On va terminer avec toi, Donatien. On va terminer, du coup... j'ai pas de jeu de mots, donc je vais juste te lancer sur le prieuré de l'oranger. Prends ça pour un jeu de mots, hein, tranquille, hein, on n'est pas... voilà, prends le temps de la réflexion. Écoute, je commence, si t'as un jeu de mots, tu me fais signe, je fais une pause. Ah ouais, bah t'inquiète, allez, vas-y. N'hésite pas. Allez, vas-y. Ouais, quoi que... Ah, vas-y. Je peux ou... Non, allez, vas-y. Ah, quoi que... Non. Ah, vraiment cette fois-ci ou... Toi, t'as un jeu de mots ? Non, j'ai rien. Ok. Bon, bah, vas-y, donation. Ok. Bah, si c'est le prieuré de Laurent G. Ah, c'est nul, pardon. Alors, du coup. Il est 23h30, ok, je suis fatigué. Et on va passer à la dernière partie. Et donc, bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Je suis navré, je le ferai plus jamais. Alors, le prieuré de Laurent G, c'est un énorme bouquin que je vais essayer de résumer rapidement. C'est un roman écrit par Samantha Shannon, qui est une autrice britannique, qui fait en version française 1024 pages. C'est un beau bébé, un joli pavé. Ah non, 292 selon le visuel de la vidéo. Bon, c'est de la merde. Bon, c'est quand même pas mal. Je suis allé sur le site de l'éditeur. Oui, je dois pas avoir la bonne info. Mais bon, il fait quasiment 1000 pages, c'est quand même quelque chose d'assez consistant. À 8 pages près, je l'achetais, dis donc. Moi, je l'achetais en dessous de 1000 pages. Alors, c'est un bouquin de fantasy où il y a des dragons, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Pour essayer de vous le résumer simplement, on est dans un monde de fantasy qui est à la fois assez classique, mais avec beaucoup d'éléments très originaux. Le monde est divisé entre deux régions, l'Est et l'Ouest, qui sont séparés par un énorme océan qui s'appelle l'Abysse, parce que c'est vraiment profond et ils en ont peur. Dans ce monde, environ 1000 ans avant les événements qu'on suit, il y a eu une énorme guerre entre les hommes et les dragons. Et ça a complètement fait un schisme entre les deux cultures de l'Est et de l'Ouest. À l'Est, ils vont plutôt vénérer les dragons et les considérer comme des créatures sages, intelligentes et qui doivent être vénérées, alors qu'à l'ouest, ils en ont peur et ils tirent dessus à vue parce qu'ils ne veulent pas se faire détruire leur royaume à nouveau. Du coup, on va suivre un peu des deux côtés. C'est de la fantasy classique, plutôt quand on va être à l'ouest, et relativement classique, il y a beaucoup d'éléments assez originaux, parce que là, on aura un contexte médiéval fantasy qui va nous rappeler des univers qu'on a pu voir dans Game of Thrones, etc., au sens très large, avec un royaume, des chevaliers, etc., tandis qu'à l'Est, on aura plutôt une culture fantasy assez inspirée de l'Asie, finalement, et d'une forme de Japon médiéval, notamment au niveau de l'architecture, de l'esthétique et de la façon dont ça fonctionne. Donc c'est assez intéressant de voir ça aussi, deux pendants très différents. Le personnage principal, on suit beaucoup de personnages, mais le principal, elle s'appelle Ead. C'est une dame de compagnie de la reine du royaume, enfin du rénome d'ailleurs, pardon, faut toujours soit une reine, du rénome de Innis, qui se trouve à l'ouest. Et cette dame de compagnie qu'on va suivre comme étant à la base, on pense juste que c'est une campagnarde qui est arrivée là pour apprendre à être un peu une noble auprès de la reine, on va apprendre assez rapidement qu'en fait elle fait partie d'un ordre secret dont on ne sait pas trop ce que c'est, ni pourquoi elle est là, et que sa mission c'est de protéger la reine à tout prix. Pour empêcher le retour de ce qu'ils appellent le sans-nom, qui est apparemment le dragon, le méchant dragon, chef de dragon, dieu des dragons. Et je ne peux pas trop continuer, parce qu'après j'ai peur de spoiler sur tout ça, mais le roman nous raconte un peu comment est-ce tous les personnages vont essayer de protéger le monde contre le retour des dragons qui voudraient le détruire à nouveau et replonger l'humanité dans une période de ténèbres. Ça fait beaucoup d'informations. C'est un bouquin donc, qui est assez épais, que j'ai énormément apprécié, que j'ai lu en une semaine pendant le premier confinement, parce qu'on avait dit énormément de bien. Ça paraît à la fois très classique, vraiment dans l'approche, hein, c'est retour du dragon, le mal ancien qu'on a terrassé et qui revient, etc. Mais il y a des approches vachement originales, beaucoup de twists très intéressants. Et moi, ce qui m'a plus parlé, en fait, ce sont les personnages. C'est une approche de la fantasy assez moderne sur pas mal d'aspects. On a beaucoup de personnages féminins très intéressants, très bien écrits, et sans qu'on ait l'impression que ce soit un quota. Encore une fois, hein, c'est ce qui qualifie pour moi les bons romans qui sont inclusifs et qui font preuve de diversité, c'est quand c'est naturel. L'héroïne, Ead, est hyper intéressante. La reine qu'elle accompagne, la reine Sabran, qui au début est une connasse, clairement, on ne peut pas la blairer, et finalement on apprend à l'apprécier. Tous les autres personnages, je ne sais pas trop comment dire plus sans spoiler, mais j'aime beaucoup. J'ai l'impression de m'être perdu dans cette description, je suis désolé. Non, du tout. Et donc, du coup, on suit vraiment ce qui se passe des deux côtés de l'océan. Et avec vraiment deux approches par rapport à ce qui se passe. D'un côté, on se dit, les dragons vont revenir, mais ce sont... Les dragons, on les aime bien, on les vénère, etc. Et de l'autre côté, on a peur des dragons, mais en même temps, on se rend compte que ceux qui reviennent, ils sont pas forcément très cool non plus. Donc, c'est aussi toute une histoire sur comment rassembler des cultures qui se parlent pas depuis des siècles, finalement, pour arriver à se comprendre. C'est vachement ancré dans ce qu'on appelle le hope punk, c'est-à-dire l'optimisme, finalement, et la foi en l'autre. Plutôt que d'avoir peur et d'être dans la méfiance, on n'est pas du tout dans le Grim Dark ici. On va plutôt être dans l'espoir à peu près tout le temps sur ces sujets-là et espérer que. Et ça, on sait qu'au bout du compte, ça ira bien quand même. Et c'est assez agréable de voir ça en fantasy aussi. Ça nous sort du Grim Dark et du Grim and Gritty à la Game of Thrones, justement. Voilà un peu pourquoi je vous le recommande, ce bouquin qui est absolument fantastique. Est-ce que tu penses que c'est aussi un bouquin qui va quand même parler, par exemple, notamment à tous les lecteurs, aux jeunes lecteurs, aux adolescents, etc. Ou tu penses que ça reste quand même de la fantasy qui est plus destinée pour les adultes? Il est plutôt, il communique dessus comme un livre fantasy adulte. Je pense pas, il est pas pour les jeunes lecteurs. Je dirais plutôt que c'est du young adult, tu vois. Ça va être pour les ados et les adultes. Je pense que, tu vois, c'est pas un, on fait pas lire ça à quelqu'un qui a 12-13 ans. Il va pas apprécier, je pense. Il faut quand même peut-être une certaine maturité pour vraiment. Selon point de vue, en tout cas, pour ça. C'est pas de la fantasy jeunesse, pour le coup. Okay. C'est pour moi du grand ado ou adulte, quoi. Ben ça donne bien envie. Ça me fait un peu, penser. C'est pas. Aussi. Puis en plus, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du dessinateur. Je sais pas comment sont les dessins, mais ça me fait un peu penser. La couverture des dessins, je crois. Quand on avait parlé, je crois que c'était le passe-miroir, il me semble, qui était aussi pareil, dont l'approche, je ne sais plus si c'était Sam ou Steve qu'on avait parlé dans la première vague, de cette approche un peu aussi pareil, fantasy, mais qui avait aussi une forme de discours qui était quand même assez recherché et loin d'être forcément si accessible que ça pour un titre. Qu'on peut assimiler à du grand public alors que non. Et ouais, ça me fait un peu penser à ça, mais tu m'as bien épié. Bon, après, 1000 pages. Ouais, mais vraiment 1000 pages. Moi, je lis pas hyper vite, contrairement à Fanny. Ce bouquin-là, je travaillais pas et c'était pendant le premier confinement, mais je l'ai lu en une semaine en me posant une heure et demie tous les jours au soleil. Et c'est un vrai bonheur. J'ai eu du mal à le lâcher, en fait, ce bouquin. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et a fortiori sur un bouquin aussi gros, tu vois. Donc c'est pour ça que je le recommande souvent, parce qu'il m'a permis vraiment de me replonger dans la lecture à un moment où je ne lis plus beaucoup. Surtout avec un pavé aussi énorme. Quand je l'ai acheté, j'ai vu la taille du bouquin, je me suis dit, mais je ne vais jamais le finir, ce truc. Et finalement, en 8 jours, il était fini, et j'étais triste d'avoir déjà fini. J'ai presque pris mon temps à la fin, parce que je ne voulais pas le finir trop vite. Est-ce que tu t'es lancé dans l'aventure ou pas, Fanny, toi, là-dessus? Oui, tout à fait. Je l'ai lu un peu après Donatien. J'étais d'ailleurs jalouse parce que... Pour l'anecdote quand même. parce qu'il l'a acheté pendant le confinement, évidemment. Le seul truc qui était ouvert, c'était Carrefour. Hein, voilà. Donc, il l'a trouvé à Carrefour. Il m'a envoyé un message en me disant « Il est à Carrefour !» Moi, j'y suis allée, il n'y en avait plus. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il s'avère que donc on n'habite pas loin, donc on va au même Carrefour. Et en fait, j'ai pris le dernier... Voilà, donc j'étais dégoûtée et voilà. Il se trouve que je l'ai eu en cadeau à mon anniversaire alors que je n'en avais pas du tout parlé à la personne qui me l'a offert, donc c'était super, j'étais trop contente. Et donc j'ai fini par le lire 2 mois après ce que j'avais vu, mais c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu. Alors, entre parenthèses, je le trouve largement supérieur à La Passe-Miroir que j'ai pas trop aimé. Parce que j'ai trouvé ça écrit de manière un peu simpliste pour le coup, La Passe-Miroir. J'ai pas du tout aimé l'héroïne. Je trouvais un chouïa lavette, mais bon, voilà. Le Prieuré de l'Oranger, je trouve que c'est un chouï plus ambitieux en termes d'écriture et d'univers surtout, même si l'univers de La Passe-Miroir, c'est pas ce que je reproche parce qu'il est bien. Mais l'univers est franchement assez incroyable dans Le Prieuré. Et pour le coup, bon, certes, je lis vite, mais ce pavé, il se lit relativement facilement. C'est assez fluide. Je ne sais pas comment expliquer, mais la lecture se fait de manière extrêmement fluide. Donc, même si on ne lit pas vite, ça se fait très bien. Pas mal de gens, finalement, que je connais, l'ont lu et m'ont fait le même retour. Et c'est assez chouette comme bouquin. J'étais un chouette déçu par la fin, je dois le dire. Donc, je suis moins enthousiaste que Donatien. Oui, mais je le recommande quand même parce que l'univers est canon. Et ça fait plaisir aussi de voir de la fantasy en un seul tome. Ouais. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que donc il faut qu'on sorte un petit donc bandeau touffu signé Spider-Man et un petit bandeau lavette signé Fanny. N'hésitez pas à les acheter sur la boutique hein, et les offrir avec les livres que vous voulez offrir. Vous glissez le petit bandeau, un petit lavette ou touffu. Hein, voilà. C'est vrai, je me suis déjà disputé avec plusieurs personnes à cause de ça, mais je maintiens mon lavet. Je vous propose qu'on finisse, donc, comme pour les précédentes émissions, avec des questions flash. On va reprendre un peu sur ce qu'on avait fait lors du dernier live, avec des questions et des réponses un peu rapides. Un peu l'idée, c'était de faire un peu comme un portrait chinois. Donc on va vous poser les questions, on va le faire comme la dernière fois, hein, chacun de notre tour à vous deux, et du coup voilà un peu vos réponses un peu instinctives sur les différentes questions. Allez, pour la première, je te laisse la main. C'est parfait, j'ai pas les questions sous les yeux. Ah, si. Ah, on va commencer. Ça ne s'est jamais arrivé chez Drucker, hein, si vous le dites. Oui, je reste sur ma blague, oui. Alors, j'en ai qu'une. On va commencer avec toi, Fanny. Si tu étais un comics. Alors, je serais The Wicked and the Divine, qui parle de mythologie et de pop star et de. Qui a des couleurs incroyables et qui a un univers hyper riche. Et voilà, c'est moi quoi, tout moi. Putain, je vois la série de questions et je peux pas m'empêcher de penser en vieux troll que je suis, on aurait dû rajouter si tu étais un traducteur, mais je suis une merde. Je suis une merde. <Mais non. rire> Donatien, si tu étais un comics. Moi, je serais Superman Red Son parce que j'ai toujours rêvé de grandir en Ukraine soviétique. Et pourquoi? D'où te vient cet amour pour l'Ukraine soviétique? Pas spécialement, juste mon amour pour ce comics, un des premiers comics qui m'a lancé dans le game DC, même si c'est pas dans la timeline principale, et que c'est un BD que je lis encore avec plaisir aujourd'hui. Cette histoire m'avait tellement retourné à l'époque et je relis régulièrement tellement je l'aime. Donc j'ai envie d'être celui-là. Pour l'effet de surprise. Ah oui. Tout à fait. Allez, Spider-Man. Alors, Fanny, si tu étais un éditeur VF. Super facile, Urban Comics, parce que je leur ai donné tellement d'argent, mais tellement d'argent, que bon. Très voilà. T'as mis le texte, hein, sur Urban, toi. Oui, un peu, oui. Oui, c'est un peu ça. Non, mais j'ai toujours été plus DC Comics. Et puis, je trouve qu'ils font un super boulot en termes d'édition un peu plus indé, donc même si un peu moins aujourd'hui malheureusement, mais pendant des années j'ai acheté religieusement tout ce qu'ils faisaient en indé et franchement j'ai eu des belles découvertes grâce à eux, donc je reste parfaitement fidèle à Urban Comics. Et toi, Donatien? Moi je dirais pas d'Indie Comics du coup. Et oh là là. Et on n'a pas prévu en plus, mais c'est, en même temps nous connaissons, c'est logique, parce que pour le coup moi j'ai beau avoir cité Superman juste avant comme s'il était un comic, j'ai toujours été plus Marvel quand même, même si j'aime beaucoup DC aussi. Et même c'est con, c'est plus par rapport à la personnalité. Moi je suis tellement bordélique, je suis un peu comme les éditions de Panini, tu vois. Ouais, les Deluxe qui sont pas la même taille forcément entre eux, qui sont les étiquettes qui sont pas alignées, est-ce que c'est un Marvel Select, est-ce que c'est un Event, on sait pas trop. Du coup je me reprends. La différence entre nos deux bibliothèques est assez effrayante. Ouais, bah oui, parce que moi j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de. Le bordel. Coup, 15 éditions différentes pour la même série. Mais j'aime bien. Ah, j'aurais pu dire Semik, sinon. Ah, Semik. Non, ne critique pas Semik. Non, c'était bien Semik. Non, je dis ça pour Spider-Man. C'était excellent, Semik. Mais j'ai rien dit. C'était excellent. C'est... Tout de suite, tu m'attaques. Attention. Fanny, si tu étais un super pouvoir. Alors, moi, je prendrais ceux de Storm, parce que c'est un des premier super pouvoir qui m'a vraiment fascinée, notamment dans les films. Hein, ça me faisait complètement rêver quand ils sont sortis. J'ai lu beaucoup de numéros de Black Panther où elle est présente aussi en début de cette année. J'ai complètement retrouvé ma fascination, mais la même que j'avais devant les films. En plus, dans Black Panther, elle est un peu... un côté un peu déesse plus que super-héroïne qui je trouve phénoménal. Enfin, moi, elle me fascine et je trouve ses pouvoirs trop cool. Moi, je rêverais de maîtriser les éclairs et tout. Franchement, ce serait canon. Voilà. C'est quel numéro de Black Panther ? Oh, oula. Il y en a beaucoup, en fait. Putain, je sais pas le prononcer son nom. Je vais encore me taper la honte, putain. Ah ouais, je vois. Taneisi Coates. Oui. J'ai aucune idée de si c'est vraiment comme ça que ça se prononce. C'est honteux, mais bon voilà. Oh, moi, tu sais, niveau prononciation, je te dirai rien. Ouais. Ouais, j'ai Deadpool, évidemment. Il y en a eu d'autres. Mais c'est surtout dans ce run-là que je trouve où c'était le plus réussi. Et t'as jamais lu la période où Aurora elle a en mode punk? Si, j'ai pas tout lu du tout par contre, et faudrait que je rattrape. Mais oh, putain, mais quelle classe! Oh mon dieu! Ah ouais, là, seulement la classe! Oh mon dieu! Ça... Bah, tu vois, si j'avais ces pouvoirs, moi j'aurais ce costume là par contre. Oui, non, parce que le classique, ouais, il faut évident. Quand tu vois les cosplays, même les meilleurs, hein, et que tu vois donc du coup ce que pourrait donner en vrai le vrai costume de Tornade, non, vas-y, laisse tomber. C'est un bordel son truc. C'est un bordel. Ouais, non, moi je le ferai version punk, complètement. Ah ouais. Mais elle a trop la classe en punk, trop. J'adore. Ah ouais, non, je vais regarder. Je m'ai vu, je veux ça, moi. Ouais, non, c'est magnifique. Ah, c'est trop cool. Voilà. Et toi, Damien, du coup? Ben moi, j'ai un peu plus de mal à trouver ça parce que moi, mes super-héros préférés, ils n'ont pas de pouvoir parce que j'adore Batman et Iron Man, donc c'est plus chiant. Mais du coup, l'argent et l'intelligence, mais l'argent avant tout. Non, oui. J'aime beaucoup les pouvoirs de Spider-Man, moi. J'ai toujours rêvé de pouvoir monter sur les murs comme ça sans problème. Ça me permettrait de pas avoir trop peur des hauteurs. Ok, c'est une raison comme une autre. Non, je trouve c'est hyper cool, attends, de pouvoir se percher au mur et tout, et puis en plus t'as l'étoile après, c'est quand même vachement pratique. Ouais, ça marcherait mieux aux États-Unis par contre, tu vois, ici. Non, mais non, même. Bon, à Lille, moins, ok, mais... Ouais, tu vois, c'est chaud. À Lille. Ah, mais même chez toi, t'imagines la surface au sol que tu gagnes, tu comptes que les murs sont des parties de la pièce. Ah ouais, c'est pas ça. Ouais, attends. Voilà. Bah attends. Je réfléchis parfois. Hein. Ouais, ça t'arrive, c'est bien. Oui, ça t'arrive. Enchaîne, gros, enchaîne. Allez, bah à toi, j'ai... Allez, vas-y. Ah merde. Et donc, du coup, c'est... Alors, Fanny, si tu étais un costume de super-héros ? Normal. La petite jupette. Non, parce que justement, putain, j'aime pas les jupettes, bordel. Du coup, non, pas Wonder Woman, mais Captain Marvel, par contre, j'aime beaucoup son costume, particulièrement celui qu'elle a aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, elle avait une jupette, hein, quand elle était encore Miss Marvel. Ça, non. Par contre, celui qu'elle a depuis le run de Kelly Sue de Koenig et qu'elle a donc au cinéma, là ouais, là on est sur du power, là on est. Ouais. Oh, putain, j'adore ce costume, j'adore son casque, mon dieu, mais oh, bah ça rejoint Storm, hein, finalement on est toujours sur le même délire, hein, ouais, les cheveux c'est un peu pareil. C'est ça. Mais j'adore, je trouve ça mais trop. Classe, les couleurs, c'est bon, plus les couleurs que j'adore, donc non, moi je me vois bien là-dedans. C'est un autre niveau de cosplay par contre, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. C'est un bordel là. Ouais, franchement, chaud. Et pour toi, Donatien, si tu étais un costume... Moi, ouais, une armure d'Iron Man, juste. Parce que tu vois, je reviens là-dessus, j'aime le... L'argent. Non, pas l'argent. Mais en fait, non, ça, il veut dire l'armure en argent, la Silver Centurion, il veut dire. Non, l'armure, la marque 85, non, c'est celle qu'il y avait dans, dans les films, je l'avais bien, celle de la dernière, celle de Endgame. Elle est assez cool, celle-là. Non, j'aime bien la voix d'Iron Man, parce que je trouve que c'est pas pratique, on peut tout faire avec. Oui. C'est genre, c'est ton ordinateur, c'est ton smartphone, c'est, tu peux voler avec, c'est hyper pratique, tu peux être dans l'espace tranquille. Il pisse dedans quand même. Ah oui, bah pratique, ouais. Justement, ce que je veux dire, pratique, tu peux tout faire. Moi, j'ai alors avis, imagine, quoi. Tu as la main d'Iron Man et en plus tu peux marcher au plafond. ta maison, elle fait, c'est une pièce de 10 mètres carrés, par contre, si tu comptes les murs et tout ça, ça change pratique. Non, c'est bien, moi, je trouve. Ça se tient. Il faut penser à l'immobilier, ouais. Hein, en termes de consommation. Vous ne pensez pas assez à l'immobilier. Ouais. Non, mais c'est malin. C'est malin. Allez, vas-y, Spider-Man. Fanny, si tu étais un sidekick. Alors, ça, c'était compliqué. Franchement, j'ai réfléchi longtemps. Parce qu'en général, le rôle d'un sidekick n'est pas forcément super cool. Voilà. Et puis, j'ai fini par me dire que, bah oui, en effet, le sidekick, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'être à côté d'une super héroïne que j'admire sans borne. Hein. Donc, j'ai choisi Wonder Girl. Parce que Wonder Girl, bon, je l'aime bien, c'est sympa, mais pas des histoires de fou non plus. C'est surtout parce que je veux être avec Wonder Woman. Je veux que ça soit ma pote, putain. Donc voilà, tout simplement. Mmh. Et toi, bah, Nathan? Bah, moi, je choisis Fanny parce que c'est mon sidekick. je voulais tellement parier que l'un des deux allait. J'y ai même pas pensé, la vache, je me suis beaucoup trop respectueuse. En plus, j'ai une vraie réponse, mais c'était pour te faire chier, Fanny. Ouais. Non, moi, alors, je reste là-dessus, hein, vous avez bien compris que j'aimais bien ce personnage, mais j'aime bien Jarvis, moi. La version film, pour le coup, le côté intelligence artificielle. Ah, ouais. Et même dans les comics, j'aime bien le majordome qui s'occupe de tout et qui est au courant de tout. J'étais en train de t'imaginer en majordome, tu disais, ouais, non, tu vois, je sais pas comme sidekick, tu vois. Non, j'aimais bien la version artificielle, c'est vrai. J'ai réfléchi un peu film, excusez-moi. Je suis pas aussi calé que vous au comics. Alfred, il a quand même plus la classe que Jarvis. Ouais, mais Alfred, il habite avec un dépressif. Attends, c'est chiant. Non, mais voilà. Ouais, mais Iron Man. Oui, mais moi, Iron Man, il s'avère un vert, tu vois. Alors que. Ah, bah oui. Alors que Bruce Wayne, il passe son temps à être perché en haut d'un des piliers du hall à broyer du noir, tu vois. Et puis Jarvis, c'est plus le majordome des Avengers. Oui, en plus, c'est ça qui est cool, si ouais. Tu vois son majordome. Donc lui, il voit du monde, il voit du pays, tu vois. Enfin, du pays, non, mais. Oh, non, il voit le manoir, quoi. Il voit le manoir, ouais. Il voit du beau monde. Ouais. Hein. Il va avoir des histoires cool. Ah, ouais, voilà, il peut boire un coup avec Thor, il se fait attaquer par Ultron, tout ça, c'est cool. Mm. Il vit dans un céleste géant dans l'Antarctique. Mm, pas cool en ce moment pour. Pour Jarvis. Ouais. Il a du taf avec le ménage. Il est confiné, Jarvis, en ce moment. Du coup, Fanny, si tu étais un event. Diff-metal! Pardon! Absolument pas. Un event touffu. J'ai choisi 52, c'est très touffu. Ah. Qui est donc un. En fait, j'ai hésité parce que c'est vraiment un event, je sais pas trop. Mais, ça passe. Mais je suis dès que ça passe, c'est tout le temps que ça passe. Et donc 52, c'est bah, juste après le départ hein, de Wonder Woman, et Batman et Superman du devant de la scène, ils disparaissent pendant un an. Et donc là, on voit des personnages plus secondaires habituellement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Ce qui m'a encore plus plu, c'est que c'est quand même l'arrivée de Batwoman, qui est un des personnages que je préfère au monde. Voilà. Et il y a vraiment des histoires incroyables dans cet event qui est du coup assez touffu, encore une fois. On a beaucoup à lire et c'est cool. Et je trouve que par rapport à beaucoup d'events, lui, il se tient de bout en bout. Donc, c'est chouette. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et toi, Donatien ? Eh bien, moi, mon choix, c'est porté chez Marvel, du coup. Hein, on a un petit gimmick avec Fanny, vous avez remarqué. Moi, c'est Secret Invasion, mon event préféré. Ah. Ça compte comme un event, hein. Oui, c'est un event. Ah oui, c'est un event. Non, mais je on le compte plus. Merde. Non, j'ai hésité avec Civil War parce que c'est les deux events qui m'ont fait mettre dans les comics vraiment pour le coup. Mais Secret Invasion, il me fascine encore aujourd'hui. Je trouve l'histoire géniale. Je suis hyper hypé par l'annonce de la série Disney+, là, de voir ce que ça va donner. Parce que j'adore toute l'histoire avec les Skrulls. Le côté, tu sais pas qui sont les gens. Il y a plein de personnages secondaires aussi que j'ai découvert dans... dans Secret Invasion, parce qu'encore une fois, moi, c'était un moment où je commençais à lire des comics que j'ai découvert ça. Et je lis encore religieusement mon Marvel Select de Secret Invasion de chez Panini Comics. Et juste pour savoir, t'as jamais lu les tie-ins qu'il y avait autour? Non, si j'en ai lu, attends, j'avais récupéré un... Merde, comment s'appellent ces éditions-là? Les volumes de tie-ins, là... Les Marvel Monsters, non? Ouais, c'est ça, j'avais lu un Monster... Ouais. Qui faisait un tie-in sur Miss Marvel, justement, et Black Panther. Mais c'était pas T'Challa, c'était Shuri, en plus, à ce moment-là, mais c'est tout. Ah oui, c'est celui-là que j'ai lu aussi, ouais. Et Deadpool. Mm. C'était pas... Ça, je trouvais ça intéressant, mais pas plus que ça. Mais faudrait que je lise tout ce truc-là. Et le truc, mais la façon était... dont... la façon dont Secret Invasion, il était apporté avec les Illuminati, c'est vachement cool aussi. Ah ouais, c'était vachement intéressant. Et le truc qui était génial à suivre, tu vois, à l'époque, notamment quand c'était en VF... Et que tu pouvais acheter les kiosques, enfin tout ça quoi. T'avais les Marvel Heroes et les Marvel Icons qui sortaient, et tu avais donc avant l'event Secret Invasion toute la partie où en fait bah tu te rendais compte que les Skrulls voilà avaient infiltré le monde des super héros, même le monde des méchants et tout, et ça impactait toutes les séries et ça impactait tout ça, mais vraiment hyper intelligemment, ça faisait vraiment bien monter le suspense. Moi, le truc qui m'a le plus entre guillemets déçu dans Secret Invasion, c'est la résolution qui est un petit peu rapide, pampant la bagarre. Ouais, mais ça apporte un truc cool après par la suite. Ouais. Ah ouais, non, mais la suite est Dark sympa. Rain. Mais même ouais, Dark Reign avec Osborn et tout, c'est bien ça. Ouais. Je reste un peu sur ma fin, même sur la suite, parce que tu vois, c'est un peu le même principe que War of the Realms, où t'as une invasion qui est dantesque, absolument gigantesque, et en fait, elle est balancée en deux épisodes, et t'as l'impression que, enfin voilà, la Terre, tu peux balancer toutes les forces que tu veux, et tu te fais dégager en deux épisodes. Et tu vois, j'aurais aimé, t'avais la possibilité de faire durer un petit peu plus Secret Invasion, ou bien de passer dans une autre époque pour continuer à se battre sur les Skrulls. Mais bon, enfin voilà, évidemment, c'était pas les plans, parce qu'on est toujours sur des events à court terme, rapides. Enfin voilà, c'est exactement les mêmes trucs que maintenant, quoi, mais ça restait quand même très cool. Ah ouais, non, c'est un event que j'aime beaucoup, et c'est vrai que j'ai commencé à lire des comics en kiosque à l'époque de Dark Reign. Du coup, je suis vite fait remonté en arrière pour aller voir Secret Invasion, et j'ai continué à lire des kiosques jusqu'à la fin de Siège. Après, je suis passé à des formats librairie parce que j'avais plus trop la patience et le budget pour acheter des kiosques, mais en tout cas, c'est une époque de Diren qui me plaisait beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Bah, je te laisse la dernière question, du coup, mon petit G. Oh. Wonder Man. Non. Oui, j'ai déjà fait la blague. Pardon. Et toi? Tu me dis pas quoi faire. Pardon. Mais il est. Non, ce serait Nightwing. Exactement. Pour ceux qui connaissent la blague récurrente sur les GG Comics, et putain, ça date même de quand j'avais un blog, comme j'ai fait tout un article sur Nightwing et sur son cul, en effet. Voilà, je lâcherai jamais cette blague. J'aime bien, ça change un peu d'objectifier les hommes, hein, donc allons-y, hein, voilà, le cul Nightwing, je serai le cul Nightwing. On va juste prendre ce morceau, tu vois, juste ça, et on va le découper, on va te l'envoyer, on va faire quelque chose avec le cul de Nightwing. Moi, ça m'intéresse pour du montage de vidéos. On va trouver. Ça m'intéresse beaucoup. Avec grand plaisir. Et du coup, Donatien, Moi, j'ai mis Spider-Gwen, enfin Spider-Woman du coup, mais c'est Spider-Gwen ou Ghost Spider maintenant. Parce que c'est mes persos préférés dans du Marvel relativement actuel. Encore une fois, je suis pas hyper assidu dans mes lectures, mais j'aime beaucoup la relecture qu'ils ont fait du personnage du Spider-Man ou du Spider-Woman dans la série Spider-Gwen. C'est un univers alternatif qui me plaît beaucoup. Et je suis hyper impatient de voir ce qu'ils vont en faire à l'écran s'ils la mettent dans le prochain Spider-Man, d'ailleurs. Ça serait cool. Ouais. Et je trouve parce que Gwen Stacy a mérité mieux, donc je suis content que ce soit devenu une super-héroïne dans celui-là. Là, on a fait le tour de toutes les petites questions. Je vous propose que vous nous fassiez un petit tour sur l'actualité des Nerds à Vif. Ah, qu'est-ce qui se trame ? On a déjà eu quelques petites exclus durant le live. Ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà tout donné, quoi, tu vois. On sait qu'il y a pas mal de choses qui vont changer, les noms vont changer. Voilà, c'est ça. Ouais, beaucoup d'exclus quand même. Hein. On a compris que du coup, Donatien n'allait plus faire du coup de vidéo parce qu'il doit être occupé à lire Fable. Donc il en aura un peu de temps. Pendant 6 ans, les vidéos. Et j'ai failli toute seule parler de Fable encore une fois. Non, on a. Donc, ouais, Fanny a sorti une vidéo. Enfin, on a sorti une vidéo de Fanny sur Fable la semaine dernière. Donc, qui est très cool. Si vous ne l'avez pas vu, il faut y aller. On a un nouveau Nerd Dictionnaire, notre série principale, qui est en cours de montage et qui sort bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Fanny ? On n'a pas parlé au début. Catherine l'a fait remarquer dans le chat. Quand on parlait de où on est effectivement aussi dans la team fantasy sur les live Twitch de l'Auberge du Geek pour parler de bouquins, notamment de fantasy, mais pas que. À peu près une fois par mois, donc on fait ça en plus aussi. C'est cool. C'est vrai. Bah ça, c'est depuis, il en sait pendant le premier confinement et on a continué. Ouais, c'est les rendez-vous un peu cool où chacun arrive avec ses bouquins, on prend des thèmes et puis on recommande des livres, on discute, c'est très posé. Digresse, on parle de différences culturelles entre la France et la Suisse, enfin, c'est assez intéressant. Oui, évidemment, ça fait partie de la chose, la digression. Mais oui, non, mais ouais, en termes de nouveautés, voilà, on a un peu balancé au fur et à mesure et Donatien a fait un bon résumé. Et moi, j'ai un petit projet où on est en train de travailler là-dessus. Bon, ça va être trop bien. Ça prend un peu de temps parce que c'est un peu plus, c'est un peu plus un peu plus de travail de recherche, mais j'ai soumis l'idée à Donatien de faire une série de vidéos, probablement 3 vidéos à la suite, qui s'appellerait sans doute Tout est politique. Donc l'idée, ça serait d'avoir un premier numéro qui serait jouer aux jeux vidéo, c'est politique. Ensuite, lire des comics, c'est politique. Ensuite, lire des mangas, c'est politique. L'idée, ça serait de montrer que, voilà, on ne va pas se mentir, souvent le genre est un peu déprécié auprès du grand public, vu comme un truc un peu de divertissement pour, peut-être pas pour enfants, mais en tout cas, ados attardés, hein, parfois. Et là, l'idée, c'est vraiment de montrer que, au contraire, il y a des œuvres très ambitieuses, notamment sur le côté politique. Vous l'aurez compris, le titre est clair. Et voilà, il y a des tas de choses à dire. J'ai quasiment fini celle sur les jeux vidéo, celle sur les comics. Bon, ça va aller vite. Ouais, ça je peux le faire. Hein. Oui, merci. Celle sur les mangas, par contre, il y a pas mal de boulot. Ouais, il nous faudra des guests, hein, parce qu'on n'est pas assez calés. Ouais, pour ça. On n'est pas assez calés. Mais je tiens quand même à ce sujet. Du coup, bon, ça ne va pas sortir tout de suite, mais je suis assez enthousiaste là-dessus. Donc, un contenu un peu plus, je pense, un petit peu plus long, mais qui est intéressant. Ça va changer un petit peu aussi de ce qu'on propose depuis un moment. Carrément. Et je viens de voir qu'il y a Vanessa qui demande dans le chat à quand un nouveau quiz Nerd à Vif, donc notre émission des Nerds et des Lettres, qu'on avait fait, on a fait un épisode dessus. Bah oui, mais bon, et comme on est confiné, bon... C'est compliqué. Ouais. On a très envie de continuer cette série-là, parce qu'on s'était bien amusé sur le première émission. Il faut juste qu'on se pose sur des questions techniques, en fait, parce que ça a été compliqué de faire un truc fluide. Ouais. Il y a eu beaucoup à couper dans le montage, on s'est rendu compte qu'on avait vu trop gros là-dessus, donc ça c'est prévu qu'on se pose dessus, mais on a très envie de continuer ça. Voilà. Oui, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une émission qui s'appelle Des Nerds et des Lettres, où on parodie des émissions de télé des années 90, mais version nerd. Et c'est un vrai jeu quand même. Hein. Oui, bien sûr, avec des buzzers et tout, hein, attention. Ah ouais, il y a un budget buzzer. Ouais, ouais. Et un budget pupitre de qualité réalisé par Les Nerds et des Lettres. Tu veux dire quoi ? J'ai eu peur. Je sais, je me suis vu à la télé, Canal+, il y a un budget... Non, là, attention, on parle de... Non, il y a un budget pupitre et un budget Coca-Cola aussi. Oui. C'est du matériel de qualité fabriqué par nos petites mains. Voilà, tout à fait. Et c'est ouf, ça tient très bien tout ça. Écoute, ça prend la poussière dans le placard sous l'escalier, mais c'est toujours là. C'est pas mal de choses sur le feu. Ouais, c'est ça qu'on peut dire. En effet. Bah, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Il est 23h59. On a passé trois petites heures ensemble. Ça passe vite quand on s'amuse. Ah ouais, c'est d'ailleurs, ce qui fait la petite soirée quand même, mine de rien, sans qu'on se rende vraiment compte. Je sais pas si mes compères ont quelque chose à rajouter ou non. Pas plus. C'était un grand plaisir. Et ben de même. Ah oui, on est très contents que vous nous ayez invités. Enfin, je parle pour moi et pour Fanny, j'imagine. Oh oui, oui. Moi, c'était très sympa. Merci mon petit. Eh ben, c'était une super soirée. Et puis merci aux gens du chat qui ont peut-être repoussé l'oreiller et la couette qui les appelaient pour être restés avec nous. Et puis on va se faire des grosses papouilles. Puis on vous le répète à chaque fois. Hein, mais c'est un plaisir d'avoir tout le monde qui dialogue avec nous, qui reste à parler dans le chat et qui participe à l'émission. Et puis du coup encore merci à vous deux d'être venus. Puis on va faire des gros bisous à tout le monde. Merci à vous pour l'invitation et pour les bons moments, parce que j'ai pas vu le temps passer, sincèrement. Oui, moi non plus. Merci aux gens du chat qui ont lancé plein de sujets et qui ont bien réagi. Et c'était trop cool. Oui. Et franchement, un super moment. Merci à tous. Oui, tout pareil que Fanny. Et soyez velus. Soyez touffus. j'ai dit velu, je veux dire touffu, merde. Ah, j'ai cassé ma situation. Non, pour finir, soyez touffu, mais pas des lavettes. Je l'ai fait comme une lavette. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Bisous tout le monde. Salut.